Indestar. Bienvenue sur Indestar avec les Peck Avengers pour cette spéciale Star Wars. Est-ce que vous êtes tout chaud? Ouais. Les Peck Avengers sur Indestar, on est jeudi soir, il est 21h05, mais bon, c'est pas très grave, on est légèrement en retard, j'en ai plus de micro, c'est bizarre, pourquoi ça bouge? Ah non, c'était le casque, c'est mon casque qui a bougé. Bon, alors, les Peck Avengers, ce soir on fait une spéciale Star Wars. Wow. Vous avez l'air tout chaud, dis donc. D'accord, ok, je me tais alors. Ok, tout seul, ok, aucun soutien. Même pas de soutien de mon cher ami Thomas qui est là ce soir. Et non, parce que Thomas, il cherche sa rubrique. D'accord. C'est emmerdant. Ok, bon bah, Thomas qui va participer à l'émission pour cette spéciale Star Wars, qui nous présentera des comics. Et oui, c'est ça que, oui, mais oui. Ou tu nous parleras de l'univers des comics. Non, je parlerai d'un comics en particulier sur Dark Vador... qui permet aux néophytes de rentrer dans l'univers Star Wars, et notamment l'univers du côté obscur. D'accord. J'ai pas tout compris. J'ai compris certains mots, mais on verra plus tard en détail, pour le coup. En sachant que nous avons toujours Jolan, évidemment. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es là, évidemment. Cette fois-ci, tu vas être comme moi. On va juste faire l'animation et les boutons, hein. On se met en recul. On laisse les experts faire, évidemment. Oh, le bâtard. Non. Cette fois-ci, on va vraiment laisser les experts parler du domaine Star Wars, même si j'ai étudié toute l'après-midi, mine de rien. Donc, je sais pas comment toi, t'as passé ton après-midi, mais... J'ai regardé la saga. Non, c'est vrai, ça devrait aller. C'est chaud aussi, là, tu m'en parles. Non, pas tout. Ouais, il y a combien? 9, 10? 9 et 10 avec 11. Si ouais, 11 avec Rogue One et t'as regardé lesquels? Je crois que j'ai regardé genre les 4. Juste les films et leurs séries, à la rigueur. Enfin, les, 8. Ouais. Ouais, bah non. 9. Avec les hors-séries, bah non, 9. Tu vois, on commence déjà à débattre. Non, en fait. Au niveau, il y a 3 trilogies. Et après, t'as Rogue One et Solo. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça fait 11. Et ben toi, Charles, qui est présent du coup ce soir, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu es un expert de Star Wars. Expert, peut-être pas. Non. Mais je suis un fan quand même. C'est vrai. Et tu es un fan aussi d'Harrison Ford. D'Harrison Ford, ouais. Je vais vous faire une rubrique sur Harrison Ford. Qui sera l'artiste de la semaine. Le magnifique, c'est ça. Beau. Rend hommage. Le très riche aussi. Oui aussi. Pour le coup. Voilà. Marguerite, qui est là ce soir. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir à toi. Tu représentes le côté féminin de Peck Avenger avec Lisa ce soir. Mais c'est souvent moi, en fait. C'est vrai que c'est souvent toi qui représente. C'est souvent moi. Tu es une représentation à part entière. Alors toi, tu vas nous présenter justement le film Rogue One. C'est ça. Si j'ai bien compris. Et t'as préparé un petit quiz aussi avec Daniel, c'est ça? Exactement. Je me trompe pas. Et puis Jolan aussi. Et Jolan, d'accord. Donc vous serez tous les trois à pas participer? Eh oui. Ah. Ok, donc ça va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 personnes. Oh, on va faire 2 équipes de 4. Oh, okay. C'est parfait. Je me mets avec lui. Non, voilà. D'accord. Ok. Donc, un petit quiz sympa de combien de questions à peu près? T'as une idée? Il y a, je crois qu'on avait prévu une dizaine de questions. Ok. Ouais, un petit quiz. Ouais, il y a une quinzaine de questions. Ouais, on a de quoi s'amuser. Ça sera en début de deuxième heure. C'est vrai qu'on va le faire. Donc, à 22h à peu près. Lol. On espère. Les heures, hein, nos jours, c'est pas que très. C'est une spécial ce soir. C'est... Oui, voilà. Donc, oui, déjà, on peut partir déjà sur 3h. Parce que, à la fin de cette émission, on aura tous fait une rubrique. On va faire un GDR. Qui va durer à peu près une heure. Moins d'une heure, parce qu'il y a les. On va écouter de la musique entre temps, évidemment. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est un GDR? Un GDR? Ah, mais c'est que t'as pas suivi. T'as qu'à regarder en relais dans la photo. Évidemment. Je sais ce que c'est personnellement, mais les autres. Il pose la question pour les plus cons. Chica pas suivi là-haut. On plaisante, évidemment. Gonflé quand même. Alors, un GDR, alors comme l'a dit Thomas, enrôlé dans la folie, c'est le premier samedi de chaque mois. Un GDR, ça consiste à prendre un univers et jouer dans cet univers un rôle. Donc là pour Star Wars, en gros on peut jouer un Jedi et je sais pas faire la quête qu'on va faire ce soir, donc la quête du sabre légendaire. Voilà. Ouh, on peut incarner n'importe quel personnage de l'univers et hop, soit l'inventer aussi et puis on peut s'éclater. Voilà. En sachant qu'on peut on n'est pas obligé de prendre fidèlement l'univers en question, des fois c'est mieux, des fois c'est faut un peu de liberté des fois. Tu pourrais faire des crossovers comme ça entre Star Wars et Seigneur des Anneaux, genre un hobbit qui cherche un sabre laser. Ça pourrait être drôle, tu vois. Ça serait tellement bien. Je crois que ça existe vraiment un JDR qui croise l'univers de Star Wars et l'univers de Cthulhu. Ah, oh. Ça, c'est cool. Ouais, c'est... Ouh, c'est ouf. Peu. Ouais, ça, bah, ça doit être dark. Très dark. Sidious? Non, pardon. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, ce soir, nous avons beaucoup d'autres personnes, évidemment, à part les membres à qui... Enfin, si, il y a Mathis. Il y a encore Mathis, évidemment. Toujours. Bonsoir. Ah, ton micro n'est pas allumé. On a vraiment pas de bol ce soir. Ton micro a l'air d'être allumé. Est-ce que ça marche? T'as pas de dessus, hein? Non, t'as pas de dessus. Ouais, c'est bon. Bah, c'est bon, nous t'entendons. Ah. T'es sûr qu'on l'entend? Et vas-y, prends le micro de Marguerite. C'est très bien, bonsoir ça. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir Mathis. Donc, tu viens participer à Star Wars. Tu aimes bien Star Wars? Oui, j'adore Star Wars. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est vrai. T'as vu tous les films et tout? Ouais. Par contre, je suis plus film que série et comics. Ouais. Mais vraiment, bah, toute la saga, je suis énormément. Ouais. J'ai le droit de dire que j'ai pas vu tous les films. J'ai vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la rigueur. Et encore, dans, bah, y a Lord là qui me chiffonne toujours. Il y a toujours un doute là-dessus. Mais tous les autres, tous les nouveaux qu'ils ont sortis récemment, j'ai même pas vu, même pas Rogue One ni quoi que ce soit. Mais bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est dans Lord. Mais en fait, c'est pas dans Lord non plus. C'est bien ce qui me semblait. Y a une couille dans le pâté comme ça. Je t'entends pas, mais du coup, ouais, Mathis, passe le micro à ton voisin. Je disais, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, et après 7, 8, 9. D'accord. Donc, sans compter Rogue One et tout ça. Évidemment. Et donc, qui es-tu, cher étranger? Cher personne qu'on a. C'est la première fois que tu viens à Indestar, si je me trompe pas. Exactement, c'est la première fois. Alors, comment tu t'appelles? Kevin. Kevin, tu es le fils de Daniel, si je me trompe pas. Daniel, qui est venu plusieurs fois. Eh oui, un de plus, tu vois. Eh il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Ah non, il y en a trois. Oui, mais le troisième, il a oublié de venir. Ah oui, non, mais trois Forest, parce que tu t'appelles aussi Forest, du coup. Ah oui, oui, oui, ah oui, oui, oui, pour le coup. Parce que nous avons Dimitri à côté de j'allais dire Alexandre, mais non, tout Alexandre, c'est celui qui est pas là. Non, il... Toi, tu es Kevin. Kevin, Dimitri. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Bravo. Merci, merci. Donc toi, Dimitri, t'étais déjà venu dans Peck Avenger, t'avais oui, présenté un jeu de catch. J'ai t'avais fait une comparaison. Catch. Ouais, voilà. Si je me rappelle bien. Ouais. Et donc, très, évidemment. Très beau devoir, bien. Dans votre famille, vous êtes fan de Star Wars, si j'ai bien compris. Oui. Non. Non, non, non, non, on est venu comme ça. On a vu de la lumière, on s'est dit, tiens, il y a peut-être de la nourriture et tout. Ça, c'est le mardi qu'il faut. Quand tu vois de la lumière, c'est que c'est le mardi, ça. Ou alors c'est pas bon, c'est que t'es en train de mourir. C'est vrai. Mais bon, voilà. Il a confondu avec un sabre laser allumé, en fait. Hein. Ah oui, c'est ça. On a des beaux néons, en fait, sur notre portail, Nindesa. On a accroché des sabres laser pour faire des néons. Vraiment, le manque de budget. Non. J'espère que le patron va pas entendre ce que je viens. C'est pas très grave. Donc, à côté de toi, Dimitri, il y a quelqu'un. Oui, La deuxième représentante féminine de cette soirée, Lisa. Bonsoir. Bonsoir. Un, deux, un, deux. Alors, tu es fan de Star Wars aussi ou quoi? Vas-y. J'aime bien Star Wars. Pas une grosse fan, Pas fan, mais j'aime beaucoup Star Wars. Voilà. Tout le monde aime bien un peu Star Wars, mais on n'est pas forcément tous des gros fanatiques. Voilà. Mais bon. Ça reste des grands classiques. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours cool. Et toi, tu viens pour participer au GDR, évidemment, et pour tous leur casser les couilles et les tuer tous. Non, je plaisante. En sachant que tu as l'un des rôles les plus badass dans ce GDR, tu seras un maître Jedi du conseil. Ça va envoyer du lourd. Tu peux les tuer vraiment d'un coup. Pour de vrai. Évidemment, nous avons aussi ton père, Hubert, qui est là. Eh, bonsoir. Ah, bonsoir. Je sais pas s'il avait envie de... Il t'est posé tranquille. C'est... Oh putain, ça il me casse les couilles. Ouais. Oh, mais tu es venu pour accompagner ta fille, quand même. C'est bien. Oui. Je suis ton père. Ah, on me l'avait pas faite. On me l'avait pas encore faite. À part mon père, évidemment. Logique. Mais du coup, t'aimes bien Star Wars aussi, Hubert? Ouais, j'ai pratiquement vu tous les films, ouais. Eh ben, s'ils disent des conneries, les autres, t'as le droit de leur taper. T'as le droit de les reprendre. Voilà. Donc, je pense qu'on, ça promet d'être assez intéressant, cette soirée. Ouais. On va bien s'amuser. Mais évidemment, il y a Daniel aussi, parce que je vais prendre le micro, genre, oh, il m'a oublié. C'est ça? Non, c'est ça. En fait, j'avais une question à poser à Hubert. Ah, bah, vas-y, vas-y. Ça fait quel effet d'être le père d'un membre du conseil des Jedi? Il m'a entendu répondre. Merci de la question. Allez, démerde-toi avec ça. C'est ça. Une certaine fierté en lui, je sais pas. Non, il avait prévu qu'elle soit coiffeuse ou. Non, maître Jedi. C'est le tract, là, d'un seul coup, sous le projecteur, il a pas pu tenir. En même temps, question pas forcément évidente. Non. Par contre, moi, Teddy, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Ouais, il m'a cassé un peu mon effet, tant pis, mais. C'est une pizza? Ne suis pas. Ton père. Non, pour le coup, parce que dans le GDR, je crois que tu vas jouer un Sith. Eh oui. On dira pas son nom tout de suite, on va le garder pour plus tard. Ça, c'est une bonne surprise. Voilà. Non. Effectivement, on a des petits personnages, on a tous inventé des petits personnages assez sympathiques qu'on va jouer et on essaiera de résoudre. Le mien, c'est le meilleur. Et le mien aussi, je te dirais. Je dirais qu'il y aura des morts. Direct. Je sais pas lesquels vont mourir, mais bon. J'annonce la couleur directe. Voilà, j'annonce la couleur, il va y avoir des morts. Alors, au moins un sûr. En faux, rassurez-vous, en faux. Quoi que si, peut-être en vrai, je sais pas. Ça dépend. Ça dépendra que quand je suis pas sûr qu'on ait le budget. Si, à Indestar, on a tous les budgets qui sont. Bon, sauf qu'on respawn pas, nous. Oui, effectivement. Là tout de suite après Nina Attal Nina Attal en parlant d'elle, je vais à un concert samedi de Nina Attal à Bordeaux. Ah bon avec vous. Oh le bâtard. Ouais. Je comptais inviter une fille. Oui, alors oui, ce week-end on va voir Nina Attal à Passe à Blois, pas loin de chez nous, donc en Indre-et-Loire j'ai une bonne nouvelle, on a réussi à avoir une interview dans le 37. Dans le 37, oui. On a une interview avec elle après. On a une interview prévue avec Nina Attal. Voilà. Donc là Blois on va écouter son titre. Blois dans le 41 et Angoulins dans le 37. C'est ça. Ouais. On va écouter Nina Attal, I've Been a Fool, et après Charles nous présentera Harrison Ford. Bien sûr qu'on connaît, mais tu vas nous faire plus en détail, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. On écoute. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Et le fameux titre de Nina Attal, I've Been a Fool, qu'on écoutera peut-être en direct samedi. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors. Est-ce que vous entendez ce bed magnifique? Est-ce que tu peux leur mettre un petit retour studio? Donc un retour studio, en gros, nous on a nos casques, mais tout le monde n'a pas de casque parce qu'on a manque de budget. Et donc du coup, est-ce que vous entendez cette petite musique? Ah. Qui a coupé. Attends. Non, elle doit être en pause, c'est ça? Non. C'est non, elle continue, ouais, il y a un trou. En fait. Voilà. C'est pas la plus marquante hein, quand même. Hein c'est pas la plus marquante quand même. Non, mais bon, on va les utiliser comme bed quand même. Alors bed, c'est la musique derrière nos paroles que vous entendez. C'est le lit. Ouais. C'est le lit. Ouais, c'est exactement ça. C'est le lit pour dormir. Mais on va éviter de dormir quand même. Pourquoi Charles il fait non, je sais pas. Alors c'est à dire que Charles a littéralement pris une part de pizza dans sa bouche pour rentrer dans le studio. Bien joué. J'en avais plein la bouche. Technique ultime. Titre. Oh quel beau titre. Magnifique. Tu m'as devancé Thomas, c'est pas drôle. La vraie question c'est est-ce que Harrison Ford a déjà mangé des pizzas en plein tournage? C'est très probable. J'imagine. La vie d'acteur c'est pas facile. Mais du coup, tu vas nous décrire la sienne. Ok. Un petit peu. Alors, Harrison Ford est un acteur américain né le 1942, pardon, à Chicago. Sa collaboration avec George Lucas, qui lui, le premier, lui a donné l'occasion de s'affirmer en tant qu'acteur avec American Graffiti en 1973, lui permet d'accéder au rang de vedette internationale avec les rôles de Han Solo dans la trilogie originelle de Star Wars de 1977 à 1983. Ouais, donc c'est vraiment Han Solo qui a propulsé sa carrière. Ouais. Et après, ce sera Indiana Jones de 1981 à 2008. Alors ça, il y a un truc qui m'interroge là-dessus. J'avais cru voir une information comme quoi Han Solo, en gros, il avait participé aux deux tournages en même temps ou un truc du genre. Il avait fait deux tournages pendant Indiana Jones, il avait fait un autre tournage de je sais plus quoi. Ça, c'est possible. Ah ouais? Ouais, je m'en rappelle plus, mais. Il était surbooké, en vrai. Kélan en avait parlé une fois, je crois, mais je sais plus. Ah oui, ça me dit quelque chose. Qu'a dit Dieu? Harrison Ford, il avait participé à Indiana Jones, il faisait son tournage, mais il avait dû faire un autre tournage aussi, à peu près en même temps. Oui, c'est. Il y a Apocalypse Now, en 1979. Je sais pas si c'est ça. C'est ça? Non. Je crois que tu confonds avec l'acteur qui joue Retour dans le futur. Marty McFly. Ouais, lui jouait dans plusieurs films en même temps pour. Je suis sûr que c'est Harrison Ford. Il jouait dans une série aussi. En même temps. Oui, aussi, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, Guélan, si tu nous entends, ton coup de fil. Appelle-nous. Appelle-nous, Dieu. Ouais, vas-y. On monte la tranche téléphone comme ça, on t'oubliera pas quand tu appelleras. On rappelle que vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306 d'ailleurs. Exactement. Oh, magnifique. T'as vu un peu, mais je la sentais venir. Et du coup, vous pourrez réécouter le podcast sur indestar.fr et sur une vingtaine de plateformes de podcasts, évidemment, comme Spotify, Deezer, iTunes. Vas-y, petit placement. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, on reprend sur Harrison Ford. Ok, alors parallèlement, il collabore avec de grands cinéastes. Francis Ford Coppola le dirige dans Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. Ça me parle, Apocalypse Now. Ah oui, c'est un film très connu. C'est un film culte. Ah, oui. Sur le Vietnam, oui, exactement. Oui, très très bon film. Vous l'avez vu dans le studio ou vous avez laissé une autre place? Moi j'ai déjà vu. Non, Alors toi, on t'entend pas. Ton micro ne marche pas. Faites passer les micros. Faites passer le micro avec Phil, du coup. Oui, je crois que... Ah si, il marche. Ah, oh si, putain, si, oh, celui-là, je vais faire marcher. Alors, on en a un. Il y a quelque chose qui marche. Miracle, il y a ouf. Quelque chose qui marche, effectivement. Non, moi, je l'ai pas vu, celui-là. T'as pas vu? J'ai vu des passages en classe quand j'allais à l'école. Quand t'étais jeune? Ouais. Non, c'était trop vieux. Alors, d'accord. Donc... Ensuite, Ridley Scott lui confie le rôle de Rick Deckard dans l'ambitieux et expérimental film de science-fiction Blade Runner en 1992. Blade Runner. Blade Runner. Ouais. Ah, tu l'as dit à la moi, quoi. Je m'attendais à ce que tu dises un truc comme ça. Je me suis trompé sur l'année, excusez-moi, ça devait être 1982 plutôt. On t'en veut pas. Sur parole. On t'en veut pas du tout. Si quelqu'un d'autre peut confirmer. Alors, je non, pense pas, ça, donc tu as le droit de te tromper. À partir des années 80, il s'impose dans un registre plus réaliste. Puis dans les années 90, il revient vers le cinéma d'action, notamment avec Le Fugitif en 1993 ouais. ou Air Force One en 1997. Ouh, ça j'ai déjà vu ça. Ah oui, c'est un film bien connu. Ouais, mais bon, moi, tu sais... Toi, il y a des trucs, bien j'ai connu. Des doutes. Ouais, j'ai des doutes des trucs, sur des trucs des fois, mais ouais, Air Force One, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Yes. Du coup... Non. Durant les années... Du coup, non. Enfin, du coup, j'arrête. Non, je continue. Durant les années 2000, il reprend ses rôles mythiques. Il redevient Indiana Jones en 2008, Han ouais. Solo en 2015 dans Star Wars épisode 7. Ah, là, ça tape... Il a fait un petit trou entre les deux. Ouais, il a fait un petit trou. Et En vrai, j'y pensais, ça doit être dur de se détacher de deux personnages à la fois. Hein. Je pensais de faire des transitions de films comme ça. Bah, c'est sûr qu'il a pris de l'âge hein, entre les deux... Ah, c'est pas ça qu'il voulait dire, je pense, Jolan. C'était genre jouer Indiana Jones ouais. et jouer Han Solo. Voilà, c'est ça, pardon, c'est peut-être difficile de jouer les deux. C'est le métier d'acteur, ouais, en soi. Et puis après, il faut voir aussi que les deux personnages sont quand même assez similaires. Hein. Ah ouais. Ah, le personnage d'Harrison Ford est déjà similaire avec lui-même. Ouais, c'est vrai qu'il a tout le temps un peu les mêmes rôles, quand même. Ouais. C'est vrai. Mais après, bon, ça lui colle bien à la peau. Après, ouais. C'est plus. C'est vrai comment il a fait pour se remettre dans le rôle très très longtemps après, quoi. C'est vrai que cette question-là aussi se pose. En sachant que il a pris un petit coup de vieux quand même entre temps. Oui, un sacré. Oui, c'est surtout qu'il a fait un AVC, je crois, il y a genre quelques années, donc ça complique aussi les choses. Avant ou après Rogue One de 2015? Non, c'était avant. Avant. Ouais. Et ouais. Du coup, genre c'est pour ça que dans les derniers, on le voit très peu en fait, parce que bah, il tient à peine debout en fait. Ah. Attendez, je vais pas dire un spoiler, mais dans Rogue One, il meurt pas. Non. C'est dans le 7. Je voulais pas spoiler. Bah okay, ouais, okay. Par contre, je crois que ça va un peu mieux maintenant. Hein. Il tient sur ses deux jambes. Mais ouais, c'est pas du spoil, vu que c'est sorti il y a longtemps. En tout cas, de Star Wars 9. Puis t'avais qu'à être au courant aussi. En tout cas, ça disait dans les tournages que genre il avait du mal à vraiment rester. Ah ok, j'avais pas suivi les news. Non, pardon. Aussi, oui. Blague de merde. Oui. Genre là, dans l'appel de la forêt, il apparaît très peu et quand il apparaît, il est tout le temps assis. Et pourtant, avec tout ça, depuis plusieurs années, Harrison Ford met sa notoriété au service de la conservation de la nature en sensibilisant l'opinion publique, notamment sur la déforestation des zones tropicales. Je savais pas ça. D'accord, donc voilà. Il se bat pour la nature. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... d'acteurs qui font ça. Ouais, c'est vrai. En vrai comme DiCaprio. Je me rappelle, c'est à la mode. Ouais, c'est vrai. C'est con dit comme ça, mais c'est vrai que c'est une mode un peu... Ils peuvent œuvrer pour la nature, ils le font. Ça permet ils choisissent tous une cause. C'est une très bonne cause, ouais. C'est bon pour leur image. Oui, et puis ça permet de défiscaliser et de ne pas payer d'impôts aussi. Ah ouais, ouais 66%, d'accord. Ça c'est en France, mais après je Parce sais que pas comment ça se passe. C'est vrai qu'Harrison Ford, c'est l'un des acteurs les plus. Enfin, qui a gagné le plus avec ses films, je crois. Harrison Ford ? Ouais, si je me trompe pas. Tu veux dire de tous les comédiens ? Ouais, de tous les acteurs. Je pense qu'il doit être dans le top 10 au moins. Alors là, non, je suis pas certaine. Je suis même pas sûr. Dans... Peut-être, top... peut-être dans le top 10. Peut-être. Si, peut-être dans le top 10 quand même. Mais ma foi. J'ai des hésitations. Ouais, maintenant c'est The Rock. The Rock ? Ouais, maintenant c'est The Rock. Ah ouais ? Bah, j'ai vu une info sur The Rock. Il a battu le record de selfies par minute. Oui, j'avais vu ça aussi. Lol. C'est... Mais bon, rien à voir avec Harrison Ford. Ouais. Bah, d'ailleurs, The Rock, on peut le retrouver la semaine prochaine sur l'adaptation Bloodshot de en comics. Voilà. Petite info gratuite. Bloodshot. C'est pas Vin Diesel qui est dedans, ça? Je confonds toujours les deux. Ah ouais, c'est pas c'est pareil. Ah oui, c'est pas le même. Ouais, ah ouais, c'est... Désolé, mais ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Franchement, ils sont tous les deux chauves, donc ils sont voilà, et je veux dire, au bout d'un moment, ils sont chauves, quoi. Je veux dire, petit aparté là-dessus, voilà. Il a l'air vachement bien, Swin. J'aime bien le concept. Bah, par rapport au. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air cool. Ouais, enfin, par rapport au comics, je suis très déçu. Ça vient d'un comics? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu connais. C'est l'adaptation d'un comics qui est vachement bien et là que ça a juste l'air d'être Fast and Furious mais version comics. C'est l'image de Vin Diesel qui colle trop à la peau, je pense. Ouais, moi aussi, je suis pas très fan des Fast and Furious et tout ça, mais Vin Diesel, je trouve que Il a des côtés sympas, j'aime bien dans Babysitter. Il a des mimiques sympas après. Quand il fait le Groot. Quand il fait Groot. Enfin, il parle pas grand chose. Franchement, il le joue très bien, la vache. Il a un magnifique jeu d'acteur. Beaucoup de textes. C'est lui qui a fait toutes les langues de Groot. C'était pas très compliqué en même temps. Ouais, mais il faut saluer l'effort. C'est vrai qu'il faut saluer l'effort. Voilà. As-tu autre chose à nous dire sur Rise of Four? Ça y est, c'est fini. Non, c'est tout? Ouais, ce sera tout. Bah oui, puis rien à voir. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur Mike Tompkins? Oula. Ah ouais. Tompkins. Ok, ouais. Alors, est-ce que tu le connais? C'est un chanteur. Peut-être. Waouh. Merci pour cette information. On se pose une question qu'on ne sait pas la réponse. On connaît un de ses titres qui s'appelle Harder, Better, Faster, Stronger. Et ça, tu connais? Bien sûr. C'est quoi? C'est une reprise des Daft Punk. Exactement. Et ben, on va écouter ça. Voilà. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avenger sur Indestar. Les PK Avenger. Ah non, je m'attendais à un autre bed là, en vrai. Ah merde. Alors là, franchement, je m'attendais à tout. Fallait me faire signe. Genre, est-ce que tu peux me mettre le tout premier en haut là? Attention, je vais parce que. Ouais, celui-là. Il démarre fort. Attention. Attends, deux minutes. Hop. Les PKV, mais ah, c'est un bide. Ça, c'est un bide, ce qu'on non, appelle non, ça. Non, non, ça va venir. Ah, quand le bed ne coopère pas avec toi. Ah, bah voilà. Il est un peu long, celui-là. Les PKV Avengers sur Indestar. Dans une radio lointaine, très lointaine. C'est une équipe se rassembler. Effectivement. J'aurais pas dit mieux. Je sais plus quoi dire. Donc, du coup, je te laisse la parole. Parce que c'est toi qui vas nous présenter un comics de l'univers Star Wars, évidemment. Et oui, je vous présente un comics parce que tous les mercredis, toutes les deux semaines, le mercredi, une rubrique sort sur le site indestar.fr. Indie Comics. Indie Comics, exactement. Tous les mercredis, on s'attaque à un comics en particulier. Mm-hmm. Sachez d'ailleurs des émissions spéciales arrivent cet été. Spécial vacances, où on va vous parler à chaque fois de héros et méchants iconiques. Cool. Alors, pour aujourd'hui, vu qu'on s'attaque à Star Wars, on va plus précisément parler d'un de ses personnages les plus iconiques, Darth Vader. C'est qui Darth Vader? Allez, soyons fous. J'ai un petit bel pour toi. Quand même, alors Darth Vader, pour ceux qui connaissent pas, alors, franchement, je sais pas si c'est vraiment utile de résumer qui c'est Darth Vader, hein, quand même. Anakin Skywalker? Ah oui, c'est Anakin Skywalker qui a rejoint le côté obscur de la Force à cause des machinations de Palpatine et qui est devenu Darth Vader et qui après a retrouvé sa rédemption dans l'épopée de Luke. À la fin, ouais, il décide de repasser du côté lumineux de la Force. Ouais. Voilà. Et du coup, il va rejoindre la Force, si je comprends bien. Et oui, du coup, Il rejoint la Force comme tous les grands Jedi. Ça devient fantôme. Sa force vitale rejoint la vraie Force et ne fait plus qu'un avec. D'accord. Et depuis le 9, on apprend qu'il peut se matérialiser réellement dans le monde et interagir avec elle, ce qui fait que ça ne fait plus aucun sens. Bref. D'accord. Ouais, parce qu'évidemment, faut savoir, Star Wars, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs façons d'appréhender Star Wars. Il y en a, ils sont d'accord sur certains trucs, d'autres non. Il y a des versions officielles aussi, j'imagine. Ouais, il faut savoir que dans les comics, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le canon, donc ce qu'on garde réellement comme étant la base solide ou qu'on peut croire sur parole. Donc, sans savoir, c'est très simple, c'est le canon, c'est les films, point barre. D'accord. Voilà. Le reste, ça va être soit de la légende, ou soit, je me souviens plus du dernier terme. Mais, ah oui, non, d'accord. Si c'est le post-Disney. Voilà, c'est un... Parce qu'en fait, il y a le légende et dans le légende. T'appelles quoi par le post-Disney? Je crois que le dernier terme, c'est pré-canon, je crois, justement. Ouais. Pour avantager juste après tout ce qui est série, tout ça. Ouais, ça doit être un truc du genre, ouais. Mais en fait, ouais, du coup, t'as le canon, le pré-canon et t'as le légende. Et en fait, le légende, c'est en fait vraiment l'univers des comics de manière générale. Ouais. Avant, en tout cas, le rachat par Disney. Oui. Voilà, parce que Disney, quand ils ont racheté ça, ils ont fait tous les comics là, on s'en bat les couilles, vas-y, c'est supprimé. Donc ça ne compte plus comme des versions officielles, donc maintenant c'est Disney qui est en train de tout reconstruire. Oh la vache. Et avant ça, donc on avait le légende, c'était tous les comics qui n'étaient pas, où il y en avait certains qui étaient canons, d'autres qui ne les pétaient pas, enfin bref, c'était un bordel, il faut l'admettre. Ça fait un peu comme le Marvel Universe que je connais, t'as les films, après t'as les comics et tout ça. Ouais, voilà. Ouais, et puis t'as l'univers étendu et tout ça, développé. C'est assez compliqué de s'y retrouver. Et donc c'est pour ça que là on va s'attaquer en fait à un comics justement qui est fait pour les néophytes, donc c'est-à-dire que les gens qui n'y connaissent rien. À l'univers Star Wars étendu, donc à l'univers légende. C'est une série de comics qui ont été publiés récemment sous des tomes cartonnés assez classe en vrai, mais pas très cher. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est bien. C'était, je crois, 7 euros pour un tome de 200 pages, quoi. C'est le prix d'un manga, quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Et bah, clairement, c'est de la qualité, quoi. C'est des vieux tomes qui ont été regroupés en un seul. Enfin, sans masteriser et tout. Ouais, carrément. Ah ouais, ça vaut le coup, quoi. C'est ça. Et donc c'est en fait c'est une réédition qui s'appelle Récits d'une galaxie lointaine. Et donc là c'est le tome 3 concentré sur Vador. D'accord. Et donc ça raconte l'histoire qu'est-ce que ça raconte sur Vador exactement? Et ben voilà. Donc en fait ce tome là il nous permet en fait de comprendre Vador comme étant un personnage bien plus profond que ce qu'il est dans les films, même si déjà dans les films il est extrêmement complexe. Ouais. En fait, je trouve qu'il est bien fait. Il est très bien fait. Bah, c'est un des personnages les mieux écrits de la saga et même de beaucoup de sagas. Je dirais même le mieux adapté aussi. Je me risquerais à dire ça. Mieux adapté par rapport à quoi? Par rapport aux comics. Bah non, parce que justement les comics découlent des films. Ah, je m'y attendais à celle-là. Allez, première Discord. En fait, il faut voir que les films ont été créés. Ouais. Les trois premiers films ont été créés, puis après Lucas il fait putain, faut que je finance la suite en fait. Donc il s'est dit bah je vais faire plein de jouets. Et voilà. Ah bah d'accord. Ok. Et donc toutes les finances sur les jouets ont permis de créer bah la prélogie, la postlogie, genre de trucs. Voilà. Donc la posologie. En fait, ouais. Pardon. Donc on creuse la psychologie du personnage et un des moments les plus impactants de toute son histoire, celui où il découvre en fait son fils, Luke Skywalker. En fait, il est face. Alors, pour vous situer le truc, en fait, il est face au vide intersidéral dans son vaisseau. Et plus en amont du livre, il a chargé Boba Fett de découvrir l'identité des rebelles qui ont détruit l'étoile de la mort. Ouais. Mais il a fait tout ça en catimini sans en parler à l'empereur. Et en fait, au moment du. C'est ce qui montre déjà qu'il y a une forme de relation un peu malsaine, bizarre entre l'empereur et Vador. Mais c'est subordonné. Ouais. Les deux rivalités un peu. Ouais, c'est ça, il y a une rivalité un peu étrange. Et en fait, il y a Boba, au moment où Boba Fett arrive, il annonce déjà qu'il a perdu la trace de Luke. Ouais. Et donc, il est déjà. Bon, bah, ça met en l'ambiance sur Vador, quoi. C'est qui Boba Fett? Boba Fett, exactement. Tu sais, c'est le chasseur de primes qui apparaît un peu partout. Ah oui, il ressemble à un Mandalorien, non? Ouais, c'est un Mandalorien. Ah, c'en est un. D'accord. Ok. Et en fait, genre, Boba Fett, il fait mais j'ai son unité et il se dit juste Skywalker. Et au moment où il dit Skywalker, t'as vu mon accent? Skywalker. Et en fait, à son nom, en fait, il y a Vador qui fait juste une contraction de sa main. Ouais, parce qu'on veut pas voir son faciès. Non, mais vraiment, et au moment en fait, où il contracte la main, il y a la fenêtre qui est devant lui qui se fissure, mais de partout. Ouais. Vraiment, et là, on sent la colère qui est montée d'un coup en lui parce que bah, ça remet en question tout ce que lui a dit l'empereur, toutes les raisons pour lesquelles il est passé du côté obscur. Et en même temps, ça, d'un coup, la vitre représente littéralement l'état mental de Vador à ce moment-là. D'un coup, toutes les fissures représentent les fissures de la psyché de Vador. Ouais. C'est étonnant qu'il ait pas tué Boba Fett sur le coup, d'ailleurs. Ouais, il aurait pu, c'est hein. Clairement... En vrai. Là, c'est ce qu'on appelle une défense canon, tu vois. Ouais. Et on a besoin de lui sur les autres films, bon, bah, on peut pas le tuer. Oh, putain, c'est un PNJ intuable. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Ok. Et donc, du coup, en fait, après, on a simplement une case où on fait, où il va, enfin, on a simplement une page où derrière, il contacte l'empereur. Et en fait, il dit à la fin de l'entretien qui dure vraiment trois cases, il fait j'ai compris votre message. Et là en fait, on sent, et avec cette simplicité et sous-texte, on sent que Vador décide de se rebeller et en fait, on comprend qu'il décide de devenir empereur à la place de l'empereur. Calife à la place du calife. Ah, ce que j'allais dire. D'accord. Et en fait, ainsi, on a le personnage qui devient encore plus complexe et passionnant. On va assister durant tout le reste du comics au duel politique qui s'orchestre entre Vador et Palpatine. On va aussi découvrir pour la première fois la jeune docteur Aphra, une archéologue qui se retrouve mêlée au jeu politique de Vador et qui essaie de s'en sortir comme elle peut. Sur ton texte, c'est écrit Vado. Ouais, ok. Tu m'as demandé ça quand? Il y a même pas une heure et demie, ok? Je n'ai rien dit. Pour couronner le tout, en fait, on a les dessins de Salvador Larroca, un grand monsieur qui a travaillé sur d'autres titres de l'écurie Star Wars et particulièrement de Vador. C'est vraiment un spécialiste des dessins de Vador. Il a aussi beaucoup travaillé pour Marvel sur des grands titres comme Uncanny Avengers et beaucoup de titres X-Men. J'ai cru que t'allais me dire sur les expressions d'Dark Vador. C'est vrai qu'il est très expressif comme gars. En somme, c'est pas un anonyme et la preuve, il arrive parfaitement à retranscrire cette ambiance froide et sombre de l'Empire, tout en mettant Vador à son sommet via une précision et une finesse du train qui correspond au thème de l'Empire qui sont la machine et la raison. En fait, l'Empire c'est quelque chose de très mécanique, de très précis, de très robotique, c'est pas très humain. Et donc c'est pour ça que lui, il a adapté ses traits de dessin pour faire en sorte que justement quand il dessine, tout soit très précis, très fin, très rigoureux, sauf quand Vador se met en colère. Et là, en fait, ça devient chaotique et tout ça. Voilà. Là, en fait, son trait de dessin devient beaucoup plus flou, notamment au niveau du sabre laser, où là, justement, ça vient briser ses lignes très droites, très fines. D'accord. C'est super intéressant, ça, pour le coup. Je crois que j'ai l'image en tête, en plus. J'ai jamais vu de comics de Dark Vador, mais je suis sûr d'avoir des images en tête. Et en fait, tout cela, en fait, on vient se compléter les couleurs d'Edgar Delgado. C'est parce qu'en fait, c'est des couleurs qui me permettent vraiment de montrer le flou dans lequel se trouve Vador, puisqu'elles fonctionnent surtout sur des dégradés de noir et de gris, où en fait, on va plus ou moins faire ressortir Vador par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. C'est l'artiste que tu viens de prononcer, en fait. Edgar Delgado. Delgado, il fait les couleurs. Okay. Et Salvador Larroca, il fait les dessins. Et en fait, il faut savoir que dans les comics, le travail de coloriste est très important, en fait. Ah, ça y joue beaucoup, les couleurs, sur l'état psychologique que tu veux renvoyer. Fin... Et du coup, ce qui est intéressant avec ces couleurs, c'est qu'au moment en fait, où Vador se met en colère et il sort son sabre laser, d'un coup, on a un rouge très très pétant qui vient briser tout ce noir et cette nuance de blanc. C'est beau le rouge. Et là, d'un coup, on sent toute la colère, tous les éclats de colère de Vador. C'est vraiment la première page, il y a Vador qui sort son sabre. Et là, tu sens qu'il sort son sabre, quoi. C'est pas juste. Je te sors mon sabre. C'est ça. Ah, tu vois, c'est. Ah, c'est pas juste ça. C'est... Non, non, c'est. Il y a des genre... sous-entendus, quand même. Je le pose sur la table, il fait 50 cm de long. Là, en plus, ça commence sur un rendez-vous avec Jabba le Hutt. Tu vois, le mec, il impose, quoi. Ouais. Et Vador, il arrive, il fait. Il sort son sabre, il tue 3 de ses gardes, il repousse toute son armée, il fait. Bon, maintenant, c'est moi qui pose les conditions. Et Jabba le Hutt, il fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, effectivement. Ok, je veux bien négocier. Là, il a raison, voilà. Et voilà, donc ainsi cette œuvre est une excellente entrée dans l'univers de Star Wars du côté de l'Empire. Elle permet de comprendre l'Empire, la psyché de Vador, mais aussi sa relation avec Palpatine. En comprenant cette relation, on comprend mieux la règle des deux qui régit les Sith depuis plusieurs millénaires à l'époque de Vador, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Voilà. Ok. Lis ta dernière phrase là, parce que tu l'as écrit, c'est pas pour rien à mon avis. Allez, vas-y. Allez. Vas-y, fais-toi place, fais ta petite pub. C'était Sean de Indie Comics, production de vous, et lisez des comics. Voilà. Alors, on l'a appelé Otoma, mais en fait, il s'appelle Sean. D'accord? Comme Sean le mouton. C'est ça. Non, c'est comme Sean of the Dead. Ah. Ouais, mec, j'aime bien Sean le mouton. moi je prends aussi. C'est vrai que c'est classe, hein. Sean le mouton. Moi, j'adore, particulièrement ce dessin animé. Enfin, ce animation, je sais plus comment on appelle ça. Stop motion. Merci bien, Charles. Mais de rien. Bah du coup, vu que t'as parlé, vu que tu m'as repris, tu vas lancer la musique. Cher. Allez, oh, là, il commence à envoyer du lourd. En plus, t'as de la chance, c'est encore du Daft Punk. On est gâtés ce soir, hein, du Daft Punk, on en va. Alors, c'est psychédélique punk mashup. C'est ça. Donc, alors, match-up, c'est le concept de la musique. Donc, c'est un match-up entre plusieurs musiques. Alors, le nom est imprononçable. Nine Inch, je confirme. Nine Inch Nail versus. Ça ressemble un peu à de l'allemand, ouais, je te confirme. Nine Inch Nail? LSD versus Daft Punk. Avec LSD, ouais. Est-ce qu'on tenterait pas de le dire le plus rapidement possible, chacun? Vas-y. Nine Inch Nail, LSD et Daft Punk, psychedelic punk, c'est un superbe match-up. Il manquait 2-3 mots. Il manquait peut-être des mots. Ok, attends. Mais c'est pas très grave. Vas-y. Nails vs LSD vs Daft Punk, psychedelic punk mashup. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Devil Devil. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avenger. Les PK Avenger. Oh, magnifique. Nickel. La marche de l'empereur. Non, c'est pas la marche. Ah non. Non, je confonds. La marche de l'empereur. Là, non, c'est. Ouais. J'aime bien savourer ce moment. J'adore ces petits passages-là. C'est des musiques très célèbres quand même dans Star Wars, hein, on va pas se tromper. Ouais, d'accord. Oui. Ouais, mentir, ouais, plutôt. Mais on t'entend pas. C'est mentir. Ouais. C'est... Merde. Là, on t'entendait. C'est ce que j'allais dire, ça marche mieux si on entend aussi. Et si on parle dans le micro aussi. Ouais. C'est pas faux, ça. Voilà. Moi, j'avais une petite question. Rien à voir. Dans notre jingle, vous avez entendu, on parlait d'un manga qui s'appelle Devil Devil. Ah, oui. Est-ce que, Lisa, tu connaîtrais par hasard? Ça me dit juste Parce qu'on se pose tous la question, on connaît pas. Il y a personne qui connaît. Il y a que Théo qui connaît, en vrai. Et encore, parce que il l'a mis dans, en tant que génial. Connais des mangas, Théo? Non. Non. Si, c'est nouveau, si, ça. Si. Il doit connaître Dragon Ball, il doit connaître Heidi. Non, en même temps, qui connaît, ne connaît Naruto. Pas Dragon Ball. Ouais. Je sais pas si c'est son dernier Naruto. Tu peux lui demander le nom du personnage principal, je suis pas sûr. Non, mais au moins deux noms, quoi. Ah oui, les noms, peut-être. Voilà. Mais bon. De toute manière, c'est pas Dragon Ball qu'on va faire ce soir, c'est du Star Wars, effectivement. Donc là, c'est le fameux trou dans la musique. Ouais, effectivement. C'est très chiant, d'ailleurs. Bah, c'est pas grave, hein, laisse-le. Hein. Guac, quoi, ça va continuer, ça va reprendre avec la petite flûte, je crois. C'est ça. Eh ben, on va reprendre avec la petite flûte et le film que Marguerite va nous présenter, le film Rogue One, celui que je n'ai pas vu. Enfin, j'en ai c'est vu plein. Ah, c'est un que j'ai pas vu, mais. C'est bien dommage. Je l'ai pas vu. C'est bien dommage, c'est vrai? Bah oui, il est très cool. J'ai entendu pas mal de critiques pour et contre, hein, quand même, pour ce film. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Mais il est très très cool. Et c'est la suite duquel, le Rogue One? C'est alors, c'est spécial. Pas en fait, c'est pas une suite, c'est 4. Un spin-off. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un spin-off, ok. D'accord. Et bah, ça. Explique-nous un peu en quoi ça consiste. Bah, tout d'abord, pour faire une petite présentation, donc c'est un film qui est sorti en 2016 et qui a été donc réalisé par Gareth Edwards. Ouais. Tac, que je sorte mes feuilles. Donc, pour vous situer un peu l'action, donc ça se passe, comme on le disait, entre le 3 et le 4. On suit un groupe de rebelles qui tentent de dérober les plans de l'étoile noire. Mmh. Et parmi eux, se trouve Jean Erso, qui est partagée entre sa haine des deux camps, donc qui déteste à la fois l'alliance rebelle et en même temps bah, l'Empire. Ah, et elle se trouve être la fille de l'ingénieur qui a créé l'étoile noire. Oh. Voilà. Ah, le pas de bol. c'est ballot. C'est un peu ça. Voilà. Donc voilà. Toute l'histoire se... En fait, toute l'histoire se déroule autour de cette fille et de la recherche en fait des plans. Donc, de l'étoile noire. Voilà, de l'étoile noire. D'où le fait que ce soit situé entre le 3 et le 4. Attends, j'ai pas compris. En gros, ils sont entre le 3 et 4. L'étoile noire n'a pas été construite à ce moment-là, c'est ça? Non, pas encore. Et du coup, elle veut voler les plans ou je sais pas quoi? Ils veulent des... Alors, quoi que j'ai un doute. Est-ce que l'étoile noire a déjà été... Non, je c'est suis pas un ça. Culte un peu quand même. Non, mais t'inquiète, je suis pas une experte non plus. Je sais pas si l'étoile noire a les déjà été construite. Parmi nous, là. Je pense qu'elle est en construction. On va rigoler là-bas. j'ai un doute. Elle est en construction. Elle est en construction, oui, c'est ça. Mais c'est les plans finaux qui veulent plutôt. Ah, okay. C'est ça, oui. Et pourquoi? Pourquoi? Bah, pour la détruire dans le 4. Ah, d'accord. Ah, mais c'est une rebelle, du coup. C'est les plans que Vador essaye de récupérer dans l'épisode 4. D'accord. Il aborde le vaisseau et qu'il cherche la princesse Leia. C'est ça. Ah, c'est à ce moment-là, ok. Ça se pose là. Ça explique tout. Tintin. Voilà. On l'a pas, ce petit bruit là. C'est dommage, il faudrait. Et d'accord. Pour vous mettre un peu dans le contexte de création du film. Donc vous savez tous que Disney a racheté Lucasfilm en 2012 pour d'ailleurs 4 billions de dollars. Malheureusement. Et comment 4 milliards. Non, billions. Billions, c'est encore au-dessus de Au-dessus. Non, c'est pas possible. C'est 4 milliards, hein. c'est 4 milliards. C'est pas possible, les billions, billions, c'est des milliards de milliards. Non, c'était 4 milliards. C'est vrai que c'est un peu cher. Moi, c'est ce que j'ai vu sur mon truc. Non, c'est 4 milliards de dollars. Ça me paraît compliqué. Non, c'est impossible. 4 pas, avec beaucoup de zéros. Déjà, je sais pas si t'imagines. Le chèque était lourd. 4 milliards. Ils ont du fric, hein, Disney. Mmh. Bah ouais. Ouais, enfin, bah, 4 ouais. milliards. Ah, ils ont du fric, du pouvoir, ils ont tout. Ouais. En vrai, ils contrôlent le monde un peu quand même. Le monde du cinéma, ils contrôlent un petit peu. Si vous dites, je crois. Et donc, ils ont décidé de sortir un film par an. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc, tous les deux ans, on a une suite. Forcément de la trilogie, de l'intrigue principale, et entre celles-ci on a des spin-offs comme Rogue One ou Solo. D'ailleurs, qui a vu Rogue One et Solo? Rogue One. Vous levez pas la main? Pas beaucoup de gens. J'ai vu aucun des deux. Ah ouais, franchement. Oh là là, parce que c'est le scénario qui te plaisait pas? C'est le scénario, puis le fait, moi, on va dire, c'est un peu toujours Star Wars, c'est résumé à côté obscur. Ah oui. Et bon, comme là dans Rogue One, rapproche un peu ton micro. À la fin, on a Vador et il y a pas d'opposition. Et d'accord. Ça me gêne un peu. Ouais, je vois. Le fait qu'il y ait pas cette opposition constante du bien du mal à obscur, c'est gênant, je trouve. D'accord, je vois. Ah, c'est sûr que là, on n'est pas du tout sur du manichéen. C'est. Il y a même plus de Jedi. ouais, je sais pas. Bah, entre le 3 et le 4, non, il y a plus de Jedi. En fait, on... Avec là, ils partent. 66, y a plus rien. Ouais. Ils ont tout détruit dans le 3. Il part sur une volonté complètement différente. Lui, il avait vraiment envie de, comment dire, ça modernise, j'en reparlerai plus tard, mais c'est vrai que ça modernise beaucoup de procédés. Mmh. Et en fait, on est vraiment sur un film qui parle de c'est un peu un film de résistant, en fait. C'est un film d'espionnage. C'est très sombre, comme contrairement aux Star Wars, effectivement, oui. Mais ça reste dans l'univers Star Wars, ça reste dans une continuité qui est déjà posée. D'accord. Ça, pour le coup. Effectivement, ça reste cohérent avec les histoires. Oui, clairement. Logique. Ils n'ont pas fait de petits, comment on appelle ça, des faux raccords, enfin pas des faux raccords, non, des. Enfin, si, des faux raccords entre films, on va dire. Ça leur arrive de faire des erreurs flagrantes. C'est possible, c'est possible, mais il me semble qu'il a réussi à. Enfin, le réel a quand même réussi à rester dans la continuité. C'est beau. Parce qu'en fait, le film est un peu construit à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait la fin, ouais. Mais il faut arriver à construire des obstacles pour y parvenir. Et c'est vrai que du coup, bah, des fois, les obstacles sont un peu superficiels. Mais voilà. C'est pas faux. Un peu comme dans le GDR que vous ferez tout à l'heure. C'est un peu superficiel. C'est un peu superficiel, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien des obstacles. Bon. Je comprends parfaitement d'un point de vue, du coup. je sais ce que ça fait de mettre des obstacles aux gens, comme ça, gratuitement. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont plu. Déjà, les personnages. Je vais beaucoup comparer ce film-là au 7. Parce ils sont très opposés en fait. On peut s'en passer. Oui, je pense qu'on peut s'en passer clairement. Du 7. Hein. Il se passe quoi dans le 7, Josué, à part que Han Solo meurt? Bah c'est le 3. Ah le spoil. Non, je rigole. C'est une copie du 3. C'est un peu ça, ouais. Le 3 c'est la fin de l'Empire, non? Qui saura expliquer, parce que j'avoue que là parle dans ton micro s'il te plaît. Il marche plus avec toi. Je fais des interférences. Pour prendre celui de Lisa, la rigueur, je crois que ça marchera mieux. Voilà. Bon. Ah. Là, c'est bon. Ouais. Enfin. Donc je disais, le 3, c'est la fin de la République Galactique et l'avènement de l'Empire. C'est là où que les clones ils ont attaqué et tout ça avec Darth Vader. Voilà, et c'est Darth ça où Vader. T'as les clones qui font piou-piou sur les Jedi. Oh, j'adore. C'est vrai que ça fait piou-piou. Le 6 où du coup l'Empire se casse la gueule, quoi. C'est ça. D'accord. Et très résolu. Donc le 7, ça serait un peu un remake de ça. Un petit peu, mais dans son sens. Je dirais pas tellement un remake, c'est... Moi, je vois plus comme un copier-coller du 4. Oui. D'accord, ok. Bah, ça ressemble un peu à Disney. Hein, avec les meilleurs effets spéciaux, quand même. Ah bah, peut-être. Ah bah, heureusement, vu les technologies maintenant, s'ils auraient mis les anciennes... Non, mais quand même, faut reconnaître ça. Est-ce qu'ils ont réglé le problème de cohérence des tirs de vaisseaux spatial dans l'espace? Non, toujours pas. Mais c'est des lasers. En théorie, d'après... J'adore ces théories-là. Ouais, normalement, ça fait pas de bruit. Ouais, mais ça serait un peu con, quand même. Mais c'est comme on n'est pas censé avoir de bruit dans l'espace, tu vois. C'est à un moment donné... Bah, en fait, c'est juste au cinéma, t'as la réalité scientifique et la réalité cinématographique. C'est ça. On est obligé de faire un peu de bruit quand même, un petit peu. C'est vrai que c'est assez drôle cette info. J'avais toujours adoré, genre, normalement, il y a dire, faut pas de bruit dans l'espace. Ouais, mais bon, tu vas regarder un film sans bruit, sans musique, sans rien. Je peux te dire que ça va être chiant au bout d'un moment. C'est sûr, ça rend mieux avec. Ouais. C'est ça. Donc, bon, on sacrifie un peu la logique. Voilà. D'accord. Et du coup, tu voulais comparer un peu le 7 au à Rogue One. Thomas me montre quelque chose, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Peux-tu me le lire? Non, c'est notre ami Google, du coup, qui nous confirmait le rachat de Disney pour 4 milliards. Ok. 4 milliards, ok. Ah, il voulait juste prouver que t'avais tort. Excusez-moi, j'ai fait ça, j'étais fatigué par eux. Mais c'est pas de ta faute, c'est juste pour. Ah, mais ça aurait été incroyable si on avait 4 millions. Oui. Franchement, chapeau. J'avais même pas que c'était possible d'acheter des trucs à 1 million déjà. Ouh, c'est Disney, hein. Ils peuvent le faire. Je pense qu'à la bourse, ça doit souvent arriver, ça quand même. Ma foi. Je vous crois sur parole. Oui. Donc pour revenir un peu à Rogue One, j'aimerais bien revenir sur les personnages et vous allez me dire un peu ce qu'ils ont vu, ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils sont assez bien développés, notamment par rapport aux sets. Enveloppés. Développés. T'écoutes rien. J'ai pas très bien ils ont pas fait de régime, ils sont un petit non, peu même pas, non, même pas, hein, même pas. Oh, ils ont pas besoin, les acteurs, tu me diras. Donc par exemple, pour vous donner quelques exemples, donc comme je vous disais, on suit le personnage de Jean Erso. Et en fait, on va suivre vraiment le début de sa vie jusqu'à la fin, puisqu'en fait l'histoire se passe en un jour et à la fin tout le monde est désolé du spoil, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, c'est que pour une fois, on n'est pas sur un personnage très manichéen où voilà, soit c'est la lumière, soit c'est le côté obscur. Elle voue une haine en fait pour les deux camps. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que à aucun moment on a ça. C'est un Jedi. C'est pas un Jedi. Pour le coup, pour avoir vu Clone Wars, Ahsoka, qui est l'héroïne de Clone Wars, quand même, on peut dire un petit peu, quand même, elle est un peu entre les deux, et à un moment, elle a des sabres, c'est une Jedi de base, mais elle a été déchue, ou je sais pas quoi, enfin, elle a eu un problème, et du coup, c'était Anakin, son maître, en plus, à ce moment, il était pas encore corrompu du côté obscur, et ils ont eu un problème, un litige avec l'ordre des Jedi, elle, sauf qu'ils se sont rendu compte que c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Anakin l'avait défendu, mais elle, du coup, elle s'est dit, ah ouais, non, mais ils font chier, quoi. Ils m'ont engueulé alors que j'ai rien fait. Du coup, elle s'est cassée. Ok. Et du coup, elle avait des sabres verts au début. Mm. Mais vu que, je sais plus comment dire, elle veut pas faire le, enfin, elle est pas de l'ordre des Jedi et elle est pas un Sith, elle avait eu des sabres blancs à un moment. Sabres blancs? Ouais, je trouvais ça cool. J'adore les couleurs différentes. C'est l'entre-deux. Ouais, c'est un peu l'entre-deux. C'est quand t'as. C'est un truc. C'est, alors, c'est pas vraiment canon parce que c'est pas été confirmé vraiment dans. Non, effectivement. Dans cette série d'animation là, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un Jedi gris. Alors, c'est un père. C'est allez, un encore une couleur. Il non, a des temps là-bas. C'est vraiment une. Non, mais c'est en fait c'est un concept assez mitigé dans les fans de Star Wars. Ouais. Jedi gris, en fait, c'est un Jedi qui a refusé l'ordre du conseil, mais en même temps qui refuse. Qui n'est pas dans le côté obscur, ouais. Mais du coup, enfin, c'est ça n'existe pas vraiment. Enfin, bref, c'est compliqué. Okay. Et en parlant de sabres différents, il y a Samuel L. Jackson qui avait demandé à avoir un sabre c'est violet. Ça. Il y a des gens, ils ont mis des explications sur le sabre violet, mais en fait, non, c'est juste une demande. Con. C'est une demande de l'acteur. Ouais, en fait, je veux un sabre différent. Parce donc que vous c'était, me ça, en fait, c'était sa couleur préférée. Il a demandé un sabre violet. C'est ça. Et George Lucas a accepté. C'est ça. Mais du coup, ils ont quand même trouvé des explications logiques du genre, c'est entre les deux côtés. En fait, il a été du côté obscur, mais il est revenu ou un truc du genre. Alors rien à voir. En fait, ouais. Mais bon. On intellectualise de ouf. C'est ça. Les détenteurs du sable violet, depuis, c'est en fait c'est ceux qui côtoient, qui ont approché énormément le côté obscur, mais qui sont revenus dans le côté lumineux. C'est ça. Okay. Bon. Sinon, c'est une fantaisie de sable. C'est ça. Voilà. Pour revenir un peu sur ta question, tout à l'heure, on parlait des personnages qui sont ni blanc ni noir. Mmh. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est que on n'a pas du tout des héros avec des capacités, des pouvoirs en fait. On part vraiment sur. Non, justement, c'est pas triste en fait parce que c'est vraiment. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que là, on est vraiment sur un film d'espionnage en pleine période de guerre. En fait. Ils peuvent mourir en fait n'importe quel moment. Exactement. Oui, c'est ça. On n'est pas du tout sur des personnages qui sont des élus, qui sont le fils de machin, pas du tout. Comme les Gugan qui sont enfin, ça me fait toujours rire les Gugan. Tu sais c'est Jajar Mink ou comment ça s'appelle Misa en français. Ne prononce pas ce nom s'il te plaît. Non, j'adore ce personnage parce qu'il sert tellement à rien. Vous êtes trop brutal. Ça ils sont pacifistes ces gens-là. Ah bah là t'as pas trop de personnages passifs. Si tu prends Cassian par exemple, donc un des personnages principaux, lui vraiment c'est un tueur, c'est un rebelle, il est froid et méthodique. D'accord. Clairement, dans ses méthodes, c'est pour ça c'est une ambiance qui a pas nécessairement plu parce qu'elle est très c'est très sombre en fait. Mais c'est aussi super intéressant, c'est on te montre vraiment des héros de l'ombre. Oui, bah, je sais qu'il est tard, mais vous avez des bonnes questions aussi. Ah bah oui, évidemment, on a des bonnes questions. Bon, après, sur d'autres choses qui m'ont plu, on a notamment les décors, le réalisme des décors. Qu'est-ce qu'ils racontent? De la merde. De la merde, ok, tout va bien. Les gens à 2-3 soleils pendant moi. La pause. Ok. On a beaucoup de décors, on a une multitude de décors, et ça, et ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on a pour une fois, on a enfin un réalisme d'échelle. Genre, par exemple, l'étoile de la mort, ouais. elle fait la taille quasiment d'une lune. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, tu te sens tout petit à côté, quoi. Bah, c'est normal, non? Dans les autres films, en fait, tu te rends pas nécessairement compte moins de la taille. C'est imposant, peut-être, non? C'est moins? C'est imposant dans les autres films. Ouais, en fait, c'est que tu te rends pas compte de l'échelle, parce que là, ce qui est cool, c'est que t'as souvent, en fait, des plans à partir du sol, des plans où vraiment on est à partir de la planète et on a vraiment en fond en fait cette lune et c'est super impressionnant. D'accord. J'ai une petite question par rapport à l'étoile noire. Quand j'ai préparé mon GDR, j'ai vu une liste de planètes et il y en a plein qui ont été tirées dessus à coups d'étoiles noires. Donc, oui. Vous savez mais combien de fois ils sont tirés avec l'étoile noire? Parce que dans les films, je crois qu'ils tirent une ou deux fois et c'est tout. Il détruit une planète, je crois, Aldébaran ou un truc du genre. Non, ouais, c'est ça. Ah oui. C'est... Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a plein d'autres planètes qui tirent dessus. Justement, c'est dans les comics où on voit tous ces massacres perpétuels avec l'étoile noire. D'accord, ok. Parce que je m'attendais pas à en voir autant. Mais bon, voilà, j'ai fini. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à redire encore? Bah techniquement oui j'ai pas fini. Mais c'est pas grave, on peut écouter Alex avec son titre Voyager et on en reparlera tout de suite après. On peut en parler tout de suite après. Bah ouais, ça pose pas de problème, alors on va voyager avec Alex. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. PK Avengers. Oui, les Peck Avengers sont à l'honneur sur Indestar avec cette spéciale Star Wars que vous pourrez retrouver les podcasts sur indestar.fr et sur une vingtaine de plateformes de podcasts comme Deezer, iTunes. Ouais, oula, je sais même pas ce que c'est. Mais bon, il y a un peu space ce soir. C'est ça, exactement. Ah, évidemment, Star Wars oblige. Vous pouvez aussi nous appeler pour réagir à l'émission au 09 70 407 306. Vous pouvez nous écouter en live Twitch, mais on sera pas en live, ça sera en live audio, ouais. Pas vidéo, mais bon, c'est toujours pas mal. Et je redonne la parole à Marguerite qui nous parlait de Rogue One, son film préféré, c'est ça que tu m'as dit hein. Alors c'est pas mon film préféré, c'est un des films préférés. C'est l'un de mes préférés. Voilà. Ouais, parce que il sort, enfin comme j'ai expliqué, il sort vraiment, enfin il se détache des autres, mais il y a vraiment une volonté déjà de moderniser grâce aux techniques récentes pour le coup. Comment? Grâce aux techniques récentes, ouais. Moins poussière. Enfin, bah, c'est vrai que bah, clairement. Genre, t'as des trucs tout cons, mais maintenant, les lumières sont réalistes dans le sens où tu as, par exemple, les vaisseaux ont des ombres portées, ce qu'ils n'avaient pas avant. Tu vois. D'accord. Parce que forcément, parce qu'ils étaient... Avant, les vaisseaux, en fait, étaient pris... ils étaient pris... En studio, sur oui, mais pas en... Enfin, j'ai pas le mot. Ils étaient pas pris ensemble, en fait. Ah, okay. Donc forcément, les ombres n'étaient... Ne se projetait pas, en fait. Sur l'autre vaisseau. D'accord, je vois. C'est ça. Okay. Et maintenant, enfin. Tu vois un vaisseau passer au-dessus de l'eau, tu vois de l'ombre. C'est réaliste. Et ça, c'est cool. Après, il prend beaucoup de liberté, notamment du côté du montage. Par exemple, on a souvent cette fameuse transition. En fait, ça fait comme une espèce de rideau. Tu vois. Je sais pas si vous voyez. Si, voilà. D'accord. On change, c'est souvent quand on a les grands vaisseaux, j'ai plus le nom d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Ah oui. Croiseurs. Les croiseurs, oui, voilà. Poum, un point pour Teddy. Bim. Le quiz c'est après, mais vas-y. T'as des titrages qui sont différents et puis enfin on a des flashbacks aussi qui sont amenés de façon cohérente, complètement inhabituelle en fait. Ah bon? Même en dehors de la cohérence, c'est très inhabituel dans la façon dont c'est tourné et c'est très cool. Moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu modernisé. La série The Witcher. Alors c'est pas des flashbacks, ouais. Mais je sais pas si tu l'as vu la série, mais en gros tu la regardes. J'avais jamais joué à un jeu The Witcher, je connaissais pas. Et en fait t'as des épisodes et tout, et tu vois que en gros c'est pas cohérent. Épisode après puis tu comprends pas. Puis en fait c'est qu'à des moments c'était avant ce que t'as vu juste après et ainsi de suite. En gros ils ont décousu l'histoire, ils l'ont rassemblé d'une autre manière pour pas que tu comprennes. Enfin je sais pas leur but. C'est des flashbacks. Bah ouais, mais ils te montrent pas un flashback. Tu sais, des fois ils font des tu petits sais pas trucs. Ce que c'est simplement, oui. Bah ouais, c'est ça. En gros, tu vois pas que c'est un flashback. Ça, c'est ils t'expliquent pas. Ça, c'est très cool. Bah pour le coup, pour avoir rien vu ou rien joué, c'était un peu compliqué à comprendre. Du coup, tu comprends rien. Ouais. Bah j'ai compris après en y jouant. J'ai joué à The Witcher 3 et effectivement, je comprends tout. Ouais, t'as des films comme ça. Tu prends Pulp Fiction par exemple. En fait, tu prends le film un peu à l'envers. En fait, qu'on a vu dans Krypton la semaine dernière. Qu'on a vu dans Krypton la semaine dernière. Encore Pulp Fiction, on arrive à comprendre. Bah, la première fois que tu... Enfin, personnellement, la première fois que tu le vois, en fait, tu comprends au fur et à mesure, mais t'attends vraiment la fin pour avoir tout compris, quoi. D'accord. C'est perturbant, mais c'est cool. Et donc ça, c'est un genre d'aspect que t'as bien aimé dans Rogue One. Oui. En fait, c'était surtout les procédés qui sont modernisés que j'ai bien aimé. Mmh. Et vraiment l'ambiance. C'est comme je disais, c'est très sombre. On n'est pas du tout dans quelque chose d'héroïque. Fantasy, tout ça, ouais. C'est vraiment, on parle de la résistance, en fait, des héros de l'ombre. Et c'est très cool. D'accord. Mais il y a quand même quelques problèmes, je trouve, dans le scénario, comme la structure, en fait. C'est-à-dire que on connaît déjà la fin, donc forcément, les obstacles sont un peu superficiels quand on brode. même les personnages. Enfin, mon Dieu, ils rencontrent des bandits. Enfin, je sais pas, mais... Ah, c'est même pas ça, c'est que tu sais en fait qu'ils vont réussir. Dès le départ, tu sais qu'ils vont réussir, tu sais juste pas comment. Mais les obstacles, enfin... Des fois, ils sont superficiels, ils ont pas vraiment d'importance, tu vois. Le suspense, d'accord. Il est pas là. Quoi. Alors, franchement, il y a des moments où tu sens bien le suspense, mais en fait, tu t'en lasses un peu, dans le sens où c'est très... Répétitif. C'est pas répétitif, mais en fait, c'est tout le temps dans l'action, t'es tout le temps dans... Tu sais qu'il va se passer quelque chose, machin. C'est... ça perd un peu de son rythme par moment. D'accord. Enfin, je trouve. En tout cas, tu le conseilles de le voir, Rogue One. Ah ouais, clairement, je conseille de le voir parce qu'il est très différent des autres et moi, j'ai beaucoup aimé, pour le coup. Vraiment, c'est dans une autre lignée. C'est dans la même continuité, mais c'est dans une autre lignée. Non, mais j'ai c'est le petit frère exclu. j'aime bien cette image. Ah non, mais en plus, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Disney avait détesté le film, ils avaient re-shooté 40% du film, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça a beaucoup marché. Enfin, pas autant que le 7ème, mais ça a bien marché. D'accord. Donc, je vous conseille de le voir. Il est très sympa. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Marguerite, je t'en prie. Pour cette analyse de Rogue One. Réalisé par qui déjà, j'ai oublié. C'est... Je dis ça, je le retiendrai pas. Je peux pas mal dire son nom. Gareth Edwards. Gareth Edwards, ok. Il a réalisé quoi d'autre, je sais pas. Tu le connais ou pas? Il est peut-être pas très connu. Si, je sais. Je peux te dire ça si je retrouve dans mes fiches. Je l'ai noté en plus. Oh. Il a réalisé Monsters et un autre film. Oh. Je sais plus, mais un de ces, et Godzilla, voilà. Ah oui, les deux oui. Les deux principaux, c'est ceux-là. Oui. C'est pas la meilleure réal qu'il ait fait de Godzilla, mais. D'accord. Mais Monsters, par contre, il est très cool. D'accord. Ok. Ouais. Ben, ce que je propose, c'est de passer au quiz directement. C'est parti. N'est-ce pas, Daniel? Oui, parce directement, que vous avez, hein. Vous avez préparé un petit quiz avec Marguerite et Jolan, tous ensemble. Apparemment. Oui, du coup, vous avez, Mais du coup, vous pouvez pas participer au quiz. Bah, en soi, moi, je connais pas vraiment les questions. C'est vrai? Bah, c'est-à-dire que pour la préparer, on a dû. C'est plus Daniel qui a préparé que moi, donc. D'accord. Et bah, alors, du coup, vous allez jouer et on va vous mettre dans une équipe séparée. Au cas où, par souci de. Voilà. Du coup, moi, ce que je propose, on va faire des équipes assez simples. Là. Les animateurs. Alors, là, ça vous parle pas beaucoup, mais en gros, on va faire l'équipe Jolan, Teddy, Thomas, Charles et Marguerite. Contre Mathis, franchement, malheureusement, ouais. Tu sais que c'est pas très juste parce que les deux là-bas, ils s'y connaissent beaucoup. Effectivement, hein, j'aime attention. Pas, Thomas aussi s'y connaît. Oui, oui, mais quand même. Il y a deux vrais spécialistes de Star Wars. En termes de films, tout ce que je vois, moi, j'enregistre. Genre Harry Potter, j'ai pas regardé tant que ça, mais au final, je connaissais bien. Je me suis bien démerdé. Ok, je te fais. Vas-y, on va quand même on va essayer de jouer quand même un petit peu. Contre donc la première équipe, Jolan, Teddy, Thomas, Charles et Marguerite, contre Mathis, Dimitri, Kevin, j'ai hésité avec Alexandre, Lisa et Hubert. Qui dort dans son coin. Il vous sera très utile. Bah voilà, au moins ils seront 4,5. C'est ça. Non, il n'y a pas de matelas. Par contre, il vous faudra un micro pour répondre. Ça peut être une bonne idée. Où est votre micro? Il a disparu. Ah bah c'est Daniel qui l'a ? Ouais. D'accord. Okay. Est-ce que Marguerite, tu pourrais leur donner ton micro et partager ton micro avec Charles, pas à la rigueur ? Ça pourrait être jouable. Voilà. Et n'oubliez pas, pour donner une réponse, du coup c'est des quiz à 3 réponses, c'est ça ? C'est des QCM, non ? Il y a plus que 3 réponses, je crois. Non, il y en a 4, 5, 6. D'accord. Donc c'est des ça choix. Dépend. Ok. Donc, QCM, oui, on a tous une petite ardoise. Donc, on va écrire nos réponses chacun notre tour sur l'ardoise et on la dira évidemment. L'un de nous dira ce qu'on a écrit. Donc, oui, les petites ardoises. Il n'y a pas assez de stylos. Enfin, mais bien sûr. Non, ils sont tous sèches. Ils sont séchés. Mais non, mais non. Les utilise tous les lundis dans Actu Solide. Donc, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Donc, voilà, on va tous écrire en commun nos réponses et on les dira. Voilà, on aura 5 secondes. Faudra que ça soit très rapide les délibérations. Et on accordera le point soit aux deux équipes qui ont trouvé la bonne réponse, soit voilà. On est d'accord ? Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Personne n'aurait répondu. Attends, si je ferais bien un petit truc aussi qui serait sympa. Genre, on ferait à la première question, c'est toi qui réponds et nous on t'aide pas. Oh les enfants. Et oh. Ainsi de suite. Sérieux ? Ouais. Et genre après c'est moi qui réponds à la deuxième, c'est Thomas qui répond et du coup ça veut dire que les membres de ouais, notre équipe. Ça va être super long pour le coup. Ah, faut que je participe. Ça va être genre, tu vois, Marguerite, si elle trouve la réponse à ma question, mais elle pourra pas m'aider. Ça peut être drôle, ça. Ouais, on va faire ça. Moi, je suis pas solidaire, perso. Hein? Elle a pas écouté, je crois. C'est pas grave, je vais réexpliquer le concept. Excusez-moi, j'étais en train de distribuer les points. En gros, on est deux équipes. Donc, en gros, on aura des points, enfin, faudra marquer des points pour notre équipe. La première question que Daniel va nous poser, ça va concernant Jolan contre Mathis. Donc, c'est eux deux qui voudront répondre. Voilà. S'ils ont pas la réponse, eh ben, leur équipe pourront pas les aider, évidemment. Mais voilà, ils feront perdre un point ou gagner un point. Voilà. Et ainsi de suite. Après, ça sera moi contre Kevin. Après, Thomas contre... je vais y arriver. Dimitri. Et Charles contre Lisa. Et après, bah, ça va tourner vu qu'ils sont 4 et nous, on est 5. Voilà. Mais des solidarités. Est-ce que ça vous intéresse? Ça, on va bien chercher. Ça va être dur. Ça va être dur. Voilà. En sachant qu'on n'est pas tous obligés d'avoir une ardoise, hein. Mais bon, on peut se faire passer l'ardoise. Mais bon, on en a plusieurs. Pas, moi. On a du budget. Ouais, ouais. On a du budget. On en a 4, c'est déjà pas mal. C'est le retour à l'école. Alors, Daniel. Il y a un sacré budget, oui. Ouais. Vu le nombre d'ardoises, je peux vous dire que la radio a un sacré budget. C'est ça. Voilà. Donc, je me retire de l'animation. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci, mon cher Teddy. Voilà. Alors, on va faire deux équipes. On est dans Star Wars. Il y en a une qui va s'appeler les Jedi et l'autre les Sith. D'accord. Alors, comment j'ai choisi les noms? Jolan commençant avec un J comme Jedi. Donc, vous serez les Jedi. Ouais. Les yes. Les J'aime être du côté du bien. Daniel, parle dans ton micro. C'est vrai qu'on mais t'entend un bien, peu moins bien. Oui. Oui, mais là je suis en train de le manger. Attends. Ah là c'est parfait. Ouais. Tu peux l'éloigner un petit peu. Oui, voilà, oui je sais, je suis tellement expressif avec les mains que des fois ça me pose des problèmes en effet. Voilà. Ça va, oula, attends. Alors, du coup, première question, Daniel. Oui. Dis-nous tout. Comme ça, d'accord. Première question. J'ai l'impression d'avoir une sucette à manger là. Ah, c'est de la bonne. Alors nous tout. Allons commencer par la question numéro 1, ce qui est logique. Ouais. Donc Mathis Jolan, je rappelle. Mathis Jolan, exactement. Le sculpteur Stuart Freeboard a créé le visage de Yoda en s'inspirant de qui? George Lucas, son père, donc le père du sculpteur, ouais. Albert Einstein ou Richard Nixon. Allez, bonne chance. Ouais, c'est ça. Jolan, Mathis, voilà. Vous avez tous les deux choisi. Alors, allez-y, dites vos réponses au micro. Moi, j'ai mis la C. La C, c'est quoi? Richard Nixon. C'est qui? Non, la C, c'est pas un président américain. Ah, non, bah, il a mis la C, c'est trop tard. Bon, bah, il assume. Bah, moi aussi. T'as mis pareil, Albert? Albert Einstein, du coup. Alors? Bon, bah, alors, Jolan, tu peux dire merci au hasard parce que c'est Albert Einstein. Ah, putain, oh, la chance. Oh, la chance! Et moi, je dis, je suis sûr que ça a triché déjà. Là. Ah, non, même pas. Je connais pas. Le hasard est bon, moi. Ah, le hasard est bon. Mais bon, faut savoir que Jolan, dans Actu Solite, quand il joue. Je perds tout le temps. Il perd tout le temps de base. Donc là, c'est vraiment incroyable. Là, c'est pas. Donc, écrivez. Ouais. Un point sur votre ardoise et maintenant c'est moi contre Kevin. Ah, j'ai ton frère en tête, ça m'énerve. À la fin de la soirée, tu y arriveras. Il m'a perturbé ton. Ça y est, ça va être de sa faute. C'est ça. C'est toujours de la faute de celui qui est pas là. Bah, t'as raison. Alors, deuxième question, Daniel. Deuxième question, c'est gentil de m'écouter. Oui. Le Jedi Yarel Pauf a deux organes, deux mêmes organes, enfin deux fois le même organe. Lesquels? Il a deux cerveaux, il a deux cœurs. Il a deux estomacs, il a deux gros intestins, et j'arrête là quand même parce qu'après c'est plus utile. Ok, est-ce qu'il y a le droit d'avoir, est-ce qu'il y a le droit d'avoir deux réponses? C'est quoi ça déjà? Non, il y a deux organes mais pas deux réponses. Il y a pas de réponse, ok. C'est le... Non, je le préciserai s'il y a deux parce réponses. Parce que j'ai un doute, mais je crois que je sais qui c'est, je vois sa tête, et je l'ai lu tout à l'heure, et il a effectivement deux organes, mais deux doublés d'organes. Et ils sont tous les deux cités. Donc j'ai un doute. L'ardoise? Voilà, donc moi j'ai répondu la A, donc il a deux cerveaux. Moi je dis la B, deux cœurs. Et il a deux cœurs aussi. C'est pour ça Kevin, que ça me perd. Pour un gros spécialiste de Star Wars, t'as perdu. Ok. Il a deux cerveaux, c'est Teddy qui a raison. Oh là, bah okay. Dis donc. Mais j'ai un doute quand même, je crois j'ai vu aussi qu'il avait deux cœurs. Ah ouais? Ouais. Alors il fait partie du conseil des maîtres Jedi, c'est celui qui a la tête un peu en cône. Ouais, celui qui a le sabre jaune. Il est pas très beau. Il a un sabre jaune? Non, pas de jaune. On en voit pas de jaune dans les films. Non, celui-là, oui, c'est celui qui a la tête. Allongé. Rallonge, bah, il a deux cerveaux, donc forcément. Voilà. Un posé sur l'autre. Et oui, pas l'un à côté de l'autre, parce que là, ça se fait. Voilà. Donc maintenant, c'est Thomas qui affronte Dimitri. Attendez, j'ai un problème de feu. Bah non, ça, c'est une excuse. Ah, ça y est, un problème technique. Excusez, nous n'avons pas de feutre laser, donc, voilà, forcément. Alors, voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des questions qui compteront plus d'un point. Ah bon? Parce qu'il y en a des un peu plus durs que d'autres. Ah oui, d'accord, bah tu es précise quand même. Celle-là, ça compte 2 points du coup. Voilà, t'as tout j'ai compris. J'ai tout suivi. Ok, donc troisième question. Vas-y, on suit. On arrive. Dimitri, Thomas. Oui. En combien de temps Anakin remporte la course de Bunta Eve? Donc ça, c'est dans le premier. 14 minutes 34 secondes. Oh, je le sais en plus. 15 minutes 42 secondes. C'est pas faux, ouais. 15 minutes 34 secondes. 14 minutes 42 secondes. Non, mais moi, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de dire des trucs. Allez-y, écrivez vos réponses. En même temps, à la radio, c'est pas facile d'arrêter de dire des trucs. Hein. Est-ce que tu peux nous répéter juste les secondes? C'est Kaamelott. Alors, je répète quand même. Non, juste les secondes. Oui, mais il y a deux fois les deux mêmes secondes qui vont pas avec les mêmes minutes, en fait. Ah, d'accord. Au début, c'est 13 secondes, quelque chose. Non, 14 minutes, 34 secondes. Ouais. 15 minutes, 42 secondes. Ouais. 15 minutes, 34 secondes. Ouais. 14 minutes, 42 secondes. Putain, mais je pourrais vous tuer, hein, de chagrin, mais vous tuer. Ouais, vas-y. Heureusement qu'on a pas de sabre laser, parce que là. Je pense que tu peux la jouer au hasard. Oh oui, là. Vas-y. Allez, Dimitri, t'as répondu quoi? La D. La D et Thomas? La A. D'accord. Bon, alors personne marquera les deux points parce qu'en fait, c'était la réponse B, 15 minutes et 42 secondes. Soit, on te croit sur parole. C'est pas faux. Ça aurait pu être 16 minutes. C'est pas faux, hein. Ouais, d'accord. C'est pas faux. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, c'est Charles contre Lisa. Ce duel de... En plus, on a la bonne musique pour ça. Là, c'est Anakin versus... C'est ça. En sachant que dans le JDR, tout, c'est quand Lisa incarnera un maître Jedi et Charles incarnera... merde, j'ai donné quoi comme personne? Ah, un Bolozar. C'est juste un petit mec de 1m60. Tu seras un super artilleur, mais pas très grand. Ouais. Tu te feras dégommer par un Jedi. Le contraire de ce qu'il est, en fait. Oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Du coup, pour répondre à la... Tu voulais que je sois petit pour une fois. Exactement. Pour répondre à la question de Thomas, c'est Dark Maul. C'est Dark Maul. Ah oui. Voilà. D'accord, ok. Daniel, vas-y. Quatrième question. Elle coûte 2 points, celle-là, ou un seul? Vu que la précédente, on n'a pas répondu, celle-ci va coûter 2 points. Oui. D'accord, ok. Enfin, compter 2 points, pas coûter 2 points, pardon. Ok. Dans le premier brouillon de George Lucas, Han Solo devait être une créature... Mais de quelle couleur devait-elle être ? Jaune, rouge, verte, d'accord, donc ça marron, devait pas être un humain de base, c'est ça ? Noir. Ok. Han Solo ? Oui. En gros, ça... Oui, il devait pas être un humain comme il est. Il devait... Alors, ça aurait peut-être pas été Harrison Ford dans ce cas. Ça aurait été un peu dommage parce qu'il a quand même mené beaucoup à la saga. Alors, je répète les couleurs. Jaune, rouge, verte, marron, noir. Ça avait beaucoup de couleurs, quand même. Il n'était que d'une couleur, hein, quand même. Il n'était pas bariolé. Ils ont été sympas. Hein. Alors, Charles... Mais c'est pas faux. Ouais. On a installé des petits bruitages en attendant. Charles, quelle est ta réponse ? Moi, je dirais noir. Noir, allez, ok. Lisa ? Et Lisa ? T'as dit quoi ? Vert, ok. D'accord, faisons comme ça. Charles, 0, Lisa, 2. Ah ouais, d'accord. T'es mauvais, Jack. Voilà, on a Thomas qui s'amuse bien avec les boutons. Ça à Krypton. Excellent. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous... Non, mais c'est embêtant. Allez-y. Quand il y a des enfants. Il y en a dans Star Wars, des enfants, la preuve. Alors maintenant, allez, ça va être Marguerite contre Matisse. Allons-y. Cinquième question. C'est dommage, on aurait pu faire un match sympa avec Lisa, mais vu la question... Hein. Question à un point, là, quand même, parce que c'est visible dans un des films. Ouais. Un nouvel espoir, le numéro 4, qui est en fait le premier, comme tout le monde le sait. Oui. Quel est le numéro de la cellule ? Ah, sans la question venir, je suis en mode... Oh là là. De Han Solo. Quel est le numéro de la cellule de la princesse Leia dans Un Nouvel Espoir ? Vous savez, quand elle est en tôle, là, dans le croiseur interstellaire. T'as Matisse qui fait oui, mais je te parie qu'il connaît pas le... Moi, quand je vois... ça, ça me fout une angoisse. Je vois de quoi il s'agit, mais... Vas-y, non, Daniel, mais vas-y. Alors, il y en a 5 en plus. C'est vraiment un choix multiple, hein. 5. Ouais. Un point. Ah bah oui, non, mais là c'est trop facile. On a dû le voir à un moment donné. Vas-y, dis-nous tout, Daniel. Alors, 2743, 3221, 5621, 2187, 1327. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu, ça ? Alors, réponse vous les grippez, de peut-être Matisse. Ouais, Matisse, moi, il a moi, mis je la veux bien. Moi, je veux bien. 2743, 3221, 5621, 2187, 1327. Pourtant, je me souviens, c'est écrit en gros, là, on voit que ça à un moment donné. Oui, mais on n'est pas là à analyser. Moi, j'analyse les faux raccords, j'analyse pas ça. D'accord. Effectivement. Alors, du coup, vous avez tous les deux choisi la réponse B qui est. 3221, c'est d'accord. Ce que vous vouliez dire. Je parais qu'ils ont faux. Bah évidemment, ça serait pas rigolo autrement. Ça serait pas drôle sinon. C'était 2000. La piquette, Jack. Donc, c'était la réponse. La réponse D. D, d'accord. 2187. Ma foi, j'aurais jamais trouvé. Alors là, on fait un remake de. Pour rigoler, je lui fais. Vous êtes de la famille du pendu C'était sa sœur. Bonjour, la prof. De la revanche des Sith, parce que pour l'instant, les Sith mènent 3 à 2. C'est ça, exactement. Voilà. Vous avez toujours 3 points. Je voulais faire un petit récapitulatif des points. Voilà. Alors nous allons. Alors là, comme. Il y a plusieurs réponses possibles. La question va valoir 2 points. D'accord, pas de problème. Et donc là, c'est Jolan qui joue contre. Kevin. Merde. Ouais. Tu veux pas t'appeler Alexandre juste pour attendre là ? Enfin non. Joue plus ? Si tu joues, t'inquiète. J'ai pas dit non. Je vais réserver le résultat, 2 points. En fait. D'accord. Ok. Ça va valoir plus d'un point en fait. Ah merde. Voilà. J'y vais pas du tout. D'accord. Faisons comme ça. Ok. On va faire comme ça, Abri. Dis-nous. L'ingénieur tout. Du son Ben Burtt a pris plusieurs animaux pour faire la voix de Chewbacca. Lesquels? Ah merde. Ils sont là, t'as Mathis et Marguerite, ils sont là. Oh putain, je le sais. Mais c'est, ils se trouvent que ils ont raté leur tour. Ils sont tristes. Ça aurait pu être un beau match. Alors, il y en a plusieurs, mais je vous demande de m'en trouver trois. Oh putain, trois. D'accord. Ah. Parmi une liste que t'as ou c'est J'ai une liste. Ouais. En fait, je suis sympa parce qu'il y en a plus de trois. Ouais. D'accord. Donc ouais. Vous avez quand même. Si on en trouve trois, c'est pas mal. Okay. Voilà. Donc vas-y, dis-nous ta petite liste. Le lion. Ouais. Le tigre. Ouais. L'ours. Ouais. Le sanglier. Le chien. Ouais. Le chat. Ouais. Le loup. Le morse. L'orque. Et l'otarie. Bonne chance, les gars. Ouais. Ok, on vous laisse un petit peu débattre en attendant. On va réfléchir. Je pense qu'après cette question-là, on va écouter une petite musique. Ça serait une bonne idée parce que je vois que les joueurs sont en train de transpirer forcément. Tu sais quoi? On va mettre la musique tout de suite et on va laisser réfléchir un petit peu. T'es sérieux? Ah, c'est pas mal. J'aime bien l'idée, tiens. C'est pas mal, hein. Du coup, on va écouter le titre d'Anna Free, la reprise. Donc, Adventure of Lifetime avec Mary Digby. Donc c'est une reprise de Coldplay. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah oui, c'est vrai, tu me l'as dit tout à l'heure. On écoute un. Moi, je dis que ça devient génial. Ah le bâtard. On écoute Anna Free et on reprendra le quiz tout à l'heure. PK Avenger sur Indestar, c'est mieux que le manga Devil Devil. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avenger. Oui, les PK Avenger sur Indestar avec cette jolie musique de duel de Star Wars évidemment parce que c'est une spéciale Star Wars. Oui. Et on en était au quiz, on en était à la 6e question, si je me rappelle bien, qui vaut 2 points. Cette question, c'était quel animal a été utilisé pour faire les bruitages de Chewbacca, n'est-ce pas, Daniel? C'est exact. Donc, si tu peux nous refaire la petite liste, ça peut être pas mal. 6e question aussi, c'était exact. Oh, je suis bon. Alors donc, lion, ouais. Tigre, mmh. Ours, sanglier, ouais. Chien, ouais. Chat, loup. Un chat, mais morse, à quel moment on entend un chat? Orque, otari. D'accord. Et dans cette liste d'animaux, il fallait en trouver 3. Oui. Voilà. Et du coup, on va écouter les réponses de Jolan et de Kevin. Ouais. Oh, je l'ai trop bien dit sans hésiter. On commence par les miennes. Bah, vas-y. Jolan, dis-nous. Les trois, du coup, j'ai mis lion, chien et ours. D'accord. Et Kevin? Moi, j'ai mis lion, ours et chat. Chat, sérieux? C'est vrai? Ouais. Ah, c'est pourquoi pas les chats? Pourquoi? Alors pas en fait, il y en a un que personne m'a donné. Il y avait le morse. Ah merde. J'avais raison. Franchement, c'est le son qui ressort le plus. Mais je vous dis ça comme ça parce que je suis un expert. T'as un morse. Donc alors, vous avez tous les deux mis le lion et l'ours, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Ouais. Donc ça, ce sont deux bonnes réponses. Et chien et chat. Et autrement, il y avait le chien. Ouais. D'accord. Ah, donc, bah j'ai mis le chien. Du coup, on fait quoi? On leur compte un point chacun? Donc là, cette question rapporte un point par bonne réponse. Ouais. Ah bah 2 et 2. Bah, non, 3 pour les Jedi et 2 pour les Sith. Ok. Comme ça, on rééquilibre. Donc là, maintenant, on est à 5 partout. J'ai pas compris. Bah, non. Parce que t'as trouvé bon? Bah, j'ai mis 2 réponses. Il y avait chien. Il y a 3 bonnes réponses. Oui, il y avait plus de 3 réponses bonnes. J'ai 3 bonnes réponses, c'est ça? Oui, il y avait aussi chien dedans. Non, mais attends, il sait même pas ce qu'il a fait là. Non, mais si, non, mais j'ai. Jolan, réveille-toi! Non, mais c'est que j'ai pas écouté en fait, je suis mal poli. J'écoute pas. Donc voilà. Ah, donc, je te jure. Ça remet à 5-5 les compteurs. Voilà. Ah. C'est joli. Ouais, ok. Voilà. Vu que c'est un mauvais élève, on enlève un point. Ah non. Bah si. Oui, il dormait. Ça y est, ça commence. Il fait son Antoine. Oh, attention. Voilà. Alors, maintenant, c'est moi contre Dimitri. Pas les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ouais. 7e question, si je me trompe pas. Alors, nous allons aller dans les coulisses de Star Wars. Ouais. Combien d'heures de maquillage a-t-il fallu? Oula. Pour maquiller finalement. Je vois les grimaces de ça paraît de logique. Yann McDiarmid, l'interprète de Sidious. Dark Sidious. Oh. Une heure. Pas tant que ça. Hein. Ouais. Vous m'entendez là, Teddy? Oh, ouais, une heure. T'inquiète. Oui, oui. Parce que les autres, je m'en fous, mais Teddy et Dimitri au moins. J'utilise mes connaissances d'HMC. Alors une heure, trois pas heures, tôt. 5 heures. Non, 4 heures. On n'a pas plus. 1, 2, 3, 5. Voilà. Ah, je sais en plus, je crois. Non, 1, 3, 5, 4. 1, 3, 5, 4. 1, 3, 4, 5, si tu préfères. D'accord. Non, merde. Vas-y, je me rappelle plus laquelle c'est, mais je vais écrire le chiffre. Comme ça, ça ira très bien. Moi, je me rappelle. Allez, de la gueule. Allez, hop. T'as une sale gueule. Vas-y. Moi, j'ai mis 5 heures. 5 heures. Moi, j'ai mis 1 heure. 1 heure. Eh ben, c'est 5 moins 4, moins 1, c'est 4 heures. Ah, putain, j'ai pas long. À tous les deux, vous l'aviez, mais là, il n'y a pas de. Les scores sont inchangés. Toujours l'approche. Alors, on passe à Lisa et Thomas. Effectivement. Donc là, nous avons encore une question comme la précédente, là, avec les animaux, où il y a plusieurs réponses. D'accord. Donc là, vous pourrez m'en donner deux. Okay. Et comme pour les animaux, chaque bonne réponse ramène un point à l'équipe. Ok. Te loupe pas, Thomas. Ouais, alors, lequel de ces soldats existe ? Stormtrooper ? Stormtrooper ? Ah, ouais. J'ai pas compris là. C'est la même ? Non, Stormtrooper. Ouais. Stormtrooper. Ah, Storm. Ouais. Scott Trooper. Les frères Scott, pardon. Size Trooper. Squeal Trooper. Flame Trooper. Side Trooper. Et Snow Trooper. La question, ne me mettez pas de foi Trooper. Qui n'existe pas. Il faut en trouver deux qui existent. Ouais. Répète juste les débuts de chaque mot. Alors, Storm, ouais. Stand, ouais. Scoot, Size, ouais. Squeal, oula. Flamme, Side et Snow. Ouais. Là, c'est bon pour moi. Je les ai pas tous, mais Lisa. Bon. D'accord, faisons comme ça. Allez. Alors, il faut peut-être un petit récap. Tu écris. Ah, mais attends, elle les a peut-être pas en tête, c'est ça? Vas-y, répète-les encore une fois. Storm, Stand, ouais. Scoot, Size, Squeal. Size, pardon. Squeal, flamme, side, snow. Putain, la vache. Après flamme, c'est quoi? Allez-y. Side. Side. Depuis le début, je vous écoute. Bon, allez, donne-moi-en. Tu me fais signe. Tiens. J'ai l'ardoise avec écrit juste les. Bon, c'est mal écrit, mais. Bon. Ouais. Je suis pas secrétaire. Je te redis, puis tu me fais signe quand. Quand tu penses que c'est les bons. Storm. T'as dit une écriture de mythe. Pour ouais. Toi, c'est bon ou pas? Jack. Oui. Il est bon, le Storm, c'est ça. D'accord, en tout cas. T'en as déjà un, il t'en manque plus qu'un. T'as mis Storm, Stand. Ouais. Non. Scoot. Ouais. Size. Ouais. Squeal. Ouais. Flamme. Ouais. Side. Tu dis oui à chaque fois. Et Snow. Bah ouais. En vrai, ouais, je dis oui à chaque fois. Ouais, c'est pas faux. Bonne chance, Lisa. Allez, Lisa, sinon je prends qu'une réponse. Hein. La connerie à ce point. Bah, on va prendre la première. Ouais. Quoi, voilà. Je dis que ça devient gênant. Allez, ouais, y avait quoi comme... Pardon, bah, tu me dis un chiffre. Dis-moi un chiffre. Vas-y. Dis-moi un chiffre. Bah, le dernier. Le dernier, le premier et le dernier, alors. Snow et Storm. Et pareil. Pareil pour Thomas. Ah, bon. Alors, il... Oula, il est tombé. Il y avait les Stand Troopers, les Scout Troopers, les Flame Troopers... Ouais, les Stormtroopers, ça tout le monde le sait, je crois. Ouais, effectivement. Et je pense que tout le monde se rappelle dans le début du 5, les Snowtroopers qui attaquent la base rebelle. Voilà. Donc, je m'en souvenais. Par le pur des hasards, tu as trouvé les deux bonnes réponses, Lisa. Ouais. Mine de rien. Donc, ça revient à 7-7. Ouais. Exact. On est bon. Donc, ça va jouer serré, je pense. Ils vont me faire un match nul. Ça va pas être marrant, ouais. Donc, maintenant, c'est Charles qui va jouer contre Mathis. Allez, on fait tourner les serviettes. Non, on fait tourner les sabres aujourd'hui. Ouais, c'est quand même une question normalement plus simple. Ouais. Boba Fett apparaît pour la première fois dans l'Empire contre-attaque. Vrai? Faux? Peut-être. C'est un nom inventé, il n'existe pas. Ah. Franchement. On souffle pas. Je veux rien dire de plus, mais on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je vois plus qui c'est. Non, on dit rien, on dit pas qui c'est justement, c'est à eux de chercher. Non, mais je dis ça, mais elle a pas son micro, donc Charles peut pas l'entendre. Moi, je dis vrai. D'accord, mais fallait l'écrire. Ouais, c'est pas grave. Maintenant, Mathis, il écrit vrai. Bah, non. Alors, il écrit faux, Mathis. Donc, vrai pour Charles Alors, moi, et faux pour Mathis. Faux. D'accord. Alors, si c'est vrai ou faux, donc il apparaît dans lequel? Dans le... Si c'est faux. Dans le 3. Non, c'est son fils. T'es mauvais, Jack. Dans le 3, mais si. C'est dans le 2, pardon. Ah putain, c'est dans le 2. En fait, non, il apparaît pas, c'est Mathis qui a raison, il apparaît pas dans l'Empire Contre-Attaque en premier. Ah, il apparaît. C'est dans le 4. Ah, d'accord, il se plante quand même, mais il bon quand il même. Il se plante dans le 4, c'est lui qui prend putain, en chasse Matt Solo. Bah, quand Leia est sortie de sa prison, numéro 21. Seul le résultat compte. Je le connais même pas par cœur, 87. Voilà. Je me moquais de vous, mais je le connais pas par cœur non plus. D'accord. Okay. Le résultat de... Bah, le résultat, ils ont marqué un c'est point faux, quand même, c'est donc faux. Voilà. 8 à 7, voilà. Ils, ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils ont marqué un point. Hein. Okay. Donc, huitième question. Donc, Marguerite qui sera opposée à Kevin, si je ne me trompe pas. Là, on a Monsieur Burns en plus. Mongery Burns, ex. Est-ce que l'un d'entre vous, parmi deux, entre Marguerite et puis Kevin, sait parler l'Ewok? Oula. Ouais, non, j'aimerais bien. Ouais, non, parce que ça va être un avantage. S'il y en a un des deux qui sait parler l'Ewok, ça va être génial. Alors, mis à part des petits rugissements, je comprends rien d'autre. Alors. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Comment? En Ewok, comment se dit? Oura! Ça se dit. Youpnab! Nipnoob! Yaha! C'est pas faux. Yebeb! Ouais, c'est pas faux! Youpnoob! Ouais, c'est pas faux. Ou Nubia. Je sais pas si ça va être bonne écoute, chance. Ça sature. Ouais, la réponse c'est dans le tout. Ouais. D'accord. D, la réponse D. La D. Non, la mille assez, mais eh ben c'est non. La référence. E, la réponse E, on dit Youpnoob. Kevin, t'avais mis quoi? La dernière, vu que c'est la seule que j'ai retenue. Et c'est E? Non, c'est D. Non, c'est D que j'ai dit. Ah. Donc c'est pas la dernière. Non. D'accord, donc personne n'a le point. Donc voilà. Maintenant c'est Jolan contre Dimitri. Et c'était, oui. C'était une question à Bonjour. Deux points en fait. C'est une question qui est complètement ratée. Oh l'arnaque. Alors, Dimitri contre Jolan pour la avant-dernière question, c'est ça? Oh. Non, la 11e. On pose combien de questions? 150? Il y avait 10. Mais du coup on va continuer, hein, c'est bien. Parce que t'as combien des questions sur ton quiz? J'en ai 42. Hein? Non, sérieusement? Non, t'en as que 15. Non, j'en ai mis 15. 15, ouais, 15, ok. Temps, au cas où on a le temps. Si vas-y, on continue. Alors, oui, bah, on fait comme on peut. Hein. Exactement. Quel est le numéro... Encore un numéro, tiens. Oh. Le numéro qui est sur le côté du casque de Bush... N'est plus attribué. Ah, dans le retour du Jedi. Oula, je sais même pas qui c'est. 1134. Le président des Atus. 1136. Ah, j'ai raté quelque chose. Ah, j'ai pas entendu la première. Non, alors, 11.34, ouais. 11.36, 11.38 ou 11.40. D'accord. 34, 36, 38, 40. Facile. Voilà. Ça va être 2 en 2. C'est facile, Jonathan. C'est 11 quelque chose. 11.40 et... Ah, j'ai mis 11.40. C'est qui, là, qui répond chez les sites? C'est Dimitri? Non, c'est Dimitri, ouais. Tous les deux, 11.40. Ah, ouais. Merde. Non, vous avez été un peu trop haut, c'était 11.38. Ah. C'est mauvais, Jack. Bon, de toute façon, je voulais aller au moins à 12, parce qu'en fait, pour moi, la question 12, c'est quand même quelque chose d'important. C'est une, finalement, c'est une date anniversaire. Oh, merde. Ça va opposer bah, Teddy pour l'anniversaire avec Lisa. Oh, le pas de bol. C'est pas votre, c'est pas votre anniversaire, tous les deux, aujourd'hui. Alors, pas non. Du tout. Mais non, de toute façon, c'est rien. Pas le vôtre qui nous concerne, donc on s'en fiche. Hein? Quelle est la date de sortie du premier volet de la saga? C'est-à-dire le numéro 4, Un Nouvel Espoir. Le premier qui est sorti okay. Sur les écrans. Ah, je le sais, je crois. Celui qui est en carton pâte. Alors, en carton pâte. 12 décembre 1976, 25 mai 1977, 16 juin 1977 ou 23 novembre 1976. Alors, dans le film, il faisait plutôt froid, donc ils l'ont forcément tourné en hiver, donc... on va se la jouer comme ça. En même ça. Temps, sur Tatooine, il faisait chaud, hein. Oui, ils l'ont tourné dans le désert, ouais. Ouais. Mais enfin, du coup, s'ils l'ont tourné en désert... dans le désert, on voit pas la différence, voilà. Hein. Donc moi, j'ai mis cette réponse-là, mais je dis pas tout de suite. Est-ce que Lisa t'a écrit la dernière? Et moi, j'ai écrit C. Alors, pour Teddy, c'est le 16 juin 77. Ouais. Pour Lisa, le 23 novembre 76. Et donc, vous marquerez maintenant sur votre calendrier, tous les 25 mai... Donc en 77, putain, c'est vraiment en mai. Il faudra fêter oh, l'anniversaire du premier Star Wars. T'es mauvais, Jack. C'est vrai, c'est trop long. Alors d'ailleurs, c'était encore une question à deux points parce que celle-là méritait. Bah, je sais. Voilà. Donc 13e question pour Thomas. Thomas et Mathis. Eh, ça circule vite hein, dans leur deuxième équipe. À moins qu'Hubert veut participer. Tu veux? Non, c'est d'accord, pas de problème. Bon, après la date anniversaire, nous avons encore une histoire de date. Ah. Alors, c'est pas bonne la Saint Star Wars, mais il y a une journée ou un jour dans l'année où on fête Star Wars. Ouais. Un jour dans l'année où on fête Star Wars. Ouais. C'est quel jour? Le 4 mai? Le 4 mars? Le 4 ouh juin? Ouh ou le 4 avril? Oh, la violence d'un homme! C'est ma botte. Mathis, je crois que tu l'as dans l'os. Ça compte combien de points, celle-là? Une. Une point. Ok. Ah, merde. Bon. Parce que Thomas, en fait, il a écrit la réponse avant même que tu prononces. Donc, à mon avis, bah, t'as mis quoi, Mathis? Dans ce cas, il n'y a pas de secret. Non, mais c'est Thomas qui a raison, c'est le 4 mai. Ouais. C'est la bonne secrète. Et Mathis, t'as écrit 4 avril, c'est ça? 4 avril, je ne sais pas, avec. Du coup, pour quelle occasion? Tu l'as dans le cul. De quoi? Oh. May 4. C'est-à-dire? Bah, May 4, the force be with you. En fait, c'est cool, quand, en fait, en anglais, ça fait May 4. Donc, ça fait que la force soit avec vous, et en anglais, May 4. Ah! Ah ouais, mais je savais pas. Mais bon, technique pour retenir la un truc. Connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. C'est pas faux. Donc maintenant, ça va être Charles contre Kevin. Et c'est l'avant-dernière manche. Et je rappelle qu'il y a 8. 8. Ah, c'est ex-aequo. Et c'est ex-aequo, bordel, ça va se départager. Et comment on va départager tout ça? Bah, en gagnant. Bah, avec deux questions. Hein. C'est ça. Sinon, on tirera au sort. Ou je sais pas, il y aura un combat de sabre laser, je sais pas, on verra. Hein. Ah. Ouais, ça peut être marrant, ça, comme idée. Sinon, je vais poser des questions par rapport à mon GDR. Alors. Et ça va jouer là-dessus. Question numéro 14. Oui. Combien d'Oscars, en tout, sur l'ensemble des films, a obtenu la saga Star Wars? Je vous demande un chiffre entre 1 et 10 compris. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Combien il y a de films, c'est ça? Combien, en tout, la saga Star Wars a obtenu d'Oscar. Ah, d'Oscar. C'est de 1 à 10 inclus. D'accord. Donc on donne un nombre et bonne chance. À vos deux points, celle-là, c'est ça? Non, pas celle-là. D'accord. La prochaine, comme c'est la dernière et que c'est quelque chose de vraiment très, très ancré dans Star Wars. Oh, je vois Charles, il attend pour... Il est en train de fatiguer avec son ardoise à la main, il n'en peut plus. Fatigue, je vais avoir une crampe. Bon, allez. 7 pour Charles. La même. La même. Oh, putain. Eh non. Les... C'était 6 généreux, oui, 10, exact. T'es mauvais, Jack. C'était vraiment 6 10. Ah, 10. Ah oui, quand... ah, oui, quand même. Okay. Oh. Donc la dernière question est décisive pour le coup. Oui. Essayez de pas mettre la même réponse. Oh, merde. Ça se joue entre Marguerite et Dimitri. Oh, là, alors, ça va chier. Ouais. Je crois, alors... Marguerite. Elle vaut 2 points, celle-là. Bon, peu importe. Là, il y a une phrase culte, mais elle vaut quand même 2 points. Tout le monde connaît la phrase... Je suis ton père. Ah oui, forcément. Mais pour préserver le secret, George Lucas a masqué cette phrase, a fait dire une autre réplique à l'acteur pendant le tournage. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'a dit l'acteur? Ah, ils ont enregistré en studio et après ils l'ont mis en post-prod ou un truc du genre. Voilà. De toute manière, on voit pas sa bouche donc. Bah, absolument. Ouais. Donc, alors, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Obi-Wan est ton père. Obi-Wan a tué ton père. J'ai tué ton père, ou l'empereur est ton père. Ok, ah, c'est assez rapide comme réponse. Répondu, Dimitri, t'as mis quelle réponse? La deuxième. La B et la ouais, C. La B. D'accord, donc c'est bien, ça va pas être une égalité. Mais ça peut être mauvais aussi. Oui, moi. Allez, Marguerite, on croit en toi. Oui, bah, dommage, c'est la réponse B, en fait. Ah non. Pas de chance, je le savais. Tu es ton père. Parce que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini. Je le savais. Avant, ah bon, d'accord. Eh ben, justement, j'ai voulu le noter au début, mais j'ai pas arrêté de faire des fautes d'orthographe, donc je me suis dit, j'attends les propositions. C'est une victoire des sites, pour le coup, de 9 à 8. C'est si bien connu, les sites sont plus puissants. Alors, ils gagnent toujours au début, mais après, ils meurent. Ils se font défoncer à la fin. Si j'amène un collectif sur la dernière question, j'ai gagné des points. Si j'amène quoi? Si j'amène des correctifs sur la dernière question, je gagne des points. Essaye toujours. En fait, c'est pas, en fait c'est genre ils ont changé parce que en fait le réal du tournage trouvait que c'était une idée de merde, l'idée de Lucas. Ah ouais. Et du coup en fait c'est devenu une scène ultra iconique grâce à ça. Oui. Parce que la réaction de Luke ne changeait pas en fait, mais par contre la question a changé en cours de route parce que justement il y a une idée meilleure qui est apparue sur le tournage. D'accord. Ok, soit, bonne info. Mais bon, je parie que Guylaine aurait été là, il nous aurait donné meilleur. Bah oui, mais il est pas là. C'est ah, Dieu, ouais, moi j'essaie de m'inspirer de Dieu, mais ouais, non, voilà. On fait des gros bisous à Guylaine, qu'on retrouvera d'ailleurs demain. Appelle-nous, dans Criton, On t'attend, Guylaine. Ah non, c'est vous. 0970 407 306. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà. Tu te rappelles pas. Et il est peut-être en tournage, ou enfin, il est peut-être en train de dormir aussi, ça dépend. Ouais, non, ça arrive souvent. Il est en tournage. Bah, il va pas nous faire ce coup-là de dormir ce soir, quand même. Bah, c'est possible, hein, c'est possible, hein, on sait jamais, hein, il a le droit de dormir. Ce soir, hein. Branlé. Non, pas ce ou, soir. Oui, ou peut-être effectivement ce soir, branlé. Pas ce soir. Oh, il est bien balancé ce soir. Enfin bref, c'est la fin du quiz, du coup, par une victoire des sites, par C'était serré quand même. Ça reste ça. Mais du coup, je vais peut-être vous tuer en premier. Ça serait pas très gentil. Donc le. C'est vrai que tu as un bouc émissaire, Kevin, parce que on verra dans le GDR tout à l'heure, qui va commencer. Ah non, pas tout de suite. Non, non. Après, c'est Dimitri qui va nous parler d'un sujet dans la saga Star Wars. De quoi tu vas nous parler, Dimitri ? Alors, c'est tout simple. Je vais parler de la galaxie de Star Wars et puis expliquer les différentes parties, les détailler. Soit, voilà. D'accord. Daniel, tu avais un petit point à ajouter ? Pas du tout, non. À part que nous avons vécu quand même l'épisode numéro 3, la revanche des Sith qui ont gagné. Ouais. Effectivement. Voilà. Les Sith sont les plus puissants. C'est possible, c'est possible. Secrète. Alors on va écouter Lionel Cassio avec son titre, Help You Out. Peak Avenger sur Indestar, c'est mieux que le jeu vidéo Aquaman sur Xbox. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peak Avenger. Et pour cette ça commence bien. D'accord. Pour cette spéciale Star Wars, merci Thomas. Pour cette spéciale Star Wars, nous avons pas mal d'invités qui vont nous parler de l'univers Star Wars, notamment Dimitri. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dimitri, j'ai 15 ans. Voilà, t'as l'air de papier. Donc tu vas nous parler tout à l'heure, tu nous as teasé vite fait de quoi tu allais nous parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Je vais parler des différents secteurs de la galaxie. D'accord, de la carte en gros, grosso modo. C'est la carte. Non, pardon. J'arrête pour là. D'accord. Alors, vas-y. Par où tu commences ? Quel est le centre de cette fameuse carte que tu pourrais nous expliquer ? Je voulais pas commencer tout à l'heure au centre, vu qu'il n'y a pas grand chose à y dire. Mais... Ah, bah d'accord, on va pas commencer au centre alors. Voilà, je commence pas au centre. Moi, je fais dans l'originalité. Et donc, je vais commencer par des zones les plus développées, donc le noyau galactique. Est au centre qui est au centre du coup non. Quasi au centre hein. D'accord. Ok. Il contient de nombreuses villes très développées comme Coruscant, Tosnian, Crane. D'accord. D'autres villes, et c'est je serais toi, j'approcherais ton micro parce que là pas... c'est bon. Ouais. Là, est-ce c'est qu'il pas faut mal. Que je le mange ou pas ? Non. Ça pourrait être envisageable. Ah, c'est sûr, les micros, il faut d'accord. vraiment être très près, sinon ouais. ça marche pas. Okay. Un peu de corona dans ton micro. D'accord. Faisons comme ça. Place, mais je prends note quand même. D'accord. J'en étais où ? Je parlais de Snell Prime, c'est ça ? Oui. Oui. Alors, en gros, c'est à peu près là où on trouve les mondes les plus prestigieux. Donc, pour le centre, Snell Prime pour les mondes civils. Après, les mondes industriels comme QH. C'est parce qu'ils sont au centre, en fait, qu'ils sont un peu plus prestigieux ou... Moi, ouais, je sais pas. D'ailleurs, je pensais à ça, c'est pas dans Coruscant qu'il y a une princesse qui se fait assassiner ou je ne sais plus quoi. Il y a un vaisseau. Non, il y a un vaisseau. Non, je sais pas. Non, Oh, c'est pas bien. Oh, tu sais pas. C'est pas faux. Alors mais Coruscant, elle apparaît dans les films, dans la elle saga. Elle apparaît dans les films, ouais. Dans les six premiers. Ouais, et c'est ça. À la fin du sixième, c'était la capitale de la République Galactique, ouais. Puis de l'Empire. Et Osnan Prime, c'était la capitale de la Nouvelle République, après le 6. D'accord. Moi, je connais Utapau aussi. Utapau. Utapau. Dans les mondes extérieurs, j'y reviendrai après. Ah, d'accord, pardon. Donc là, je peux parler du noyau profond, qui est le centre de la galaxie, si tu veux. Ce soir, tiens. Branlette. Ah bah oui. Ah bah là. C'est dans le truc. Oui, dans le noyau profond, il y a des planètes... Les planètes sont pas très connues, vu que pas très explorées. C'est des routes qui sont très peu praticables à cause de trous noirs ou d'antimatière. T'appelles ça des routes ? Des routes. Ah, je m'aimais, c'est les routes pour vaisseaux. Ouais, j'ai pris la 10 tout à l'heure. Ouais, ça circule pas trop, il y avait un trou noir qui bouchait toute la route. C'est comme les arbres, c'est juste... Et vous vous foutez de moi, l'enchantement, hein ? D'accord. Il y a des chevreuils, stellaires qui passent. Ah oh, mince, on a cumulé quelque chose. Sympathique. Ok. Oui. Alors, y a-t-il des planètes qui t'ont marqué dans le noyau ou que tu que t'aimes bien ou que t'aimes bien leur peuple peut-être ? Pas vraiment. Tu t'en fous rien. Y a rien dans le noyau. À part que ça ressemble, que c'est pas très connu et que ça a été un petit peu exploré sous l'ère de Palpatine. J'ai pas grand-chose à rajouter dessus. D'accord. D'accord. Ok. Faisons comme ça. Ça. Donc après le noyau, c'est quelle planète qu'il y a ? Dis-nous tout. La bordure médiane. La bordure médiane. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et entre le. C'est au milieu, ça veut dire. Le noyau galactique et le. Et la bordure extérieure ? Extérieure ? Voilà, la bordure extérieure. Voilà. Ah. Situé entre les deux, sont des mondes à moitié développés, on va dire ça. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme exemple là-dedans? Est-ce que t'as la planète des Gougan, là? Putain, j'ai oublié son nom. Cette planète. Ah, ils sont c'est vraiment des pauvres. On a pas... Oui, c'est des pauvres. On peut pas faire plus pauvres. C'est des qui, primitifs. C'est ceux qui sont avec leur même plan, non? Ouais. Non, on va... c'est la planète où t'as les bandes là aussi. Ah, ok. T'as les bandes là, t'as les Pierre Tosten, t'as Luke Skywalker aussi au début. Ouais. Ah oui, sur sa planète Naboo. Naboo, c'est la princesse Amidala, par exemple. Ah, pas de bol. Ah, ok. J'ai chié. Il est sur Tatooine, donc alors. Ah oui, c'est ça. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Et Tatooine, il sera bordure extérieure. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la bordure médium? Il cherche dans sa petite liste. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Dis-nous tout. Alors. Ah. Ah, on y a pas, il cherche, il s'est perdu dans ses feuilles. Une fois, une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais. Et il cherche. Vous êtes de la famille du pendu? C'était sa sœur. Bonjour, la proche. Tu sais plus? Dire, par contre, qu'il y a de la piraterie. C'est ma botte secrète. De quoi? Je peux lui dire qu'il y a beaucoup de piraterie. Ouais. De piraterie dans la bordure médiane? Oui. Même pas à l'extérieur? Genre, la planète. Aussi, bon. Java le Hutt vient de quel truc? De médiane ou extérieur? Extérieur et lui, son sujet est à Tatooine. Oh. Il est à Tatooine, d'accord. Parce que, mais il vient d'une planète, la planète des Hunt, je sais plus comment elle s'appelle. Ça commence par un N, parce qu'elle était dans la liste des N. C'est pas Naboo, c'est pas Naboo, non? Non, c'est pas Naboo. Non, pas fait, non, non. Naboo. Je sais plus, parce que le GDR qu'on va faire tout à l'heure, il se passe sur l'une des lunes. Bah, tu l'as pas de cette planète. Ton... Bah, si, mais c'est pas, elle porte pas exactement ce nom-là, il est légèrement modifié. Mais la lune commence par un N, du coup la planète forcément commence par un N. Bon, c'est une logique un peu con, mais mais je sais que c'est un N. J'en suis sûr. Je vote pour. Je m'écarte sur table. Okay. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Et... je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Bordure extérieure, d'accord. Parliez avec des gens. Elle est plus remplie que la bordure médiane, du coup. Oui, parce qu'elle est bien plus grande que la bordure médiane. Ouais. Et elle est plus exploitée aussi dans les films, j'ai l'impression. On en parle plus que la bordure médiane. La bordure médiane, on s'en fout. Qui en général provoque le mécontentement des fans. D'accord, ok. Mustapha, ouais, ça, c'est de la... Ouais, je vois ce que c'est. Mustapha, le 3. Ouais. Entre Obi-Wan et puis Anakin. Ah, ça se passe. Ok, ouais. La planète de là. Ouais. D'accord. Et qui a-t-il d'autre dans la bordure extérieure? À part les planètes qu'il y a dans le GDR. Parce que je sais qu'il y a Sia, je sais qu'il y a Apollon. Apollon, non, c'est un film d'horreur. Ouais, non, Apollon, c'est un dieu grec. Chez moi, c'est un dieu grec, mais je suis sûr que j'ai un nom comme ça dans mon GDR qui n'est pas là. Ouais, c'est pas étonnant, ça. Ouais, mais merci. Mais bon, c'est qu'un détail, je vais le retrouver tout à l'heure. Dis-nous tout. Chose, comme par exemple Boba Fett, on en a parlé tout à l'heure, t'as la planète des Mandaloriens qui s'y trouve aussi. Hmm. T'as la planète des Sith aussi qui s'y trouve là-bas. Comment ça s'appelle? Ah, elle commence par un Z. Hein? Je suis sûr. Elle commence par un Z. Qui est appelé comme ça dans l'univers légende, mais maintenant c'est Moravan. Moravan? Comment tu dis? Moravan. Putain, je suis sûr d'avoir une planète avec des Sith dessus qui commence par un Z. Jack. Parce que en plus les Sith, ils ont des dieux. Ils ont des dieux, ils ont 6 dieux. Enfin, je sais pas où ce que je veux ça. Connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. Ah oui, il y a aussi ça. Il y a encore autre chose après. Ouais. Et du coup, ouais, tu connais des planètes de la région inconnue. Du coup, tu les connais? Je connais des deux de l'univers canon et légende. D'accord. Tu as par exemple dans l'univers légende, tu as Rakata Prime. Se passe quoi là-bas? Comment? Se passe quoi là-bas? Des trucs pas très beaux. Des trucs. du style, on les voit pas dans les films, ça c'est sûr. Du style, on les voit pas du tout dans les films parce que c'est une espèce qui a disparu à l'heure des films. Ah, d'accord. Et c'est aussi une espèce qui a bien fait mal à la galaxie. Ah, comme okay. Par exemple, si je vous dis Tatooine, avant c'était une planète très luxuriante avec des mers, des forêts, pas du tout désertique, c'est juste. À leur passage, quand ils sont commencé à plus prendre le retour de bâton, quand ils ont bombardé la planète et puis tranquille du sable. D'accord, ouais. Pas de problème, c'est normal. J'ai vu beaucoup de trucs parce que quand j'ai regardé pour le GDR, il y a eu beaucoup de guerres en vrai hein, dans la saga Star Wars. Il y en a eu beaucoup. C'est ouais, comme l'histoire des humains. Et ouais, il y a eu vachement beaucoup de guerres. Ça fait beaucoup de trucs à retenir, beaucoup de noms un peu improbables. Commence par des Y, par des. Les franchismes, les guerres de l'hyperespace, les guerres mandaloriennes. Les guerres mandaloriennes, ça commence par ça, je crois, j'ai l'impression. Enfin, des guerres mandaloriennes, bon, qui du coup ne sont pas entre les Sith et les Jedi, ce qui est logique, ça c'est entre les Jedi et les Mandaloriens. Qui a fini après par déboucher sur d'autres guerres avec les Sith et les Jedi. Ça, les guerres sont principalement entre eux, en vérité. Ouais. Ok, voilà. Après les zones inconnues, y a-t-il autre chose encore plus loin que l'inconnu ? Eh ben non. Ah ben non, vous êtes d'accord. Bah, ok, pas de problème. Bah moi je sais ce qu'il y a après. Tu sais pas. T'hésites, t'attends que je te pose une question. Non, bah y a de la musique. Ah, évidemment. Ah bah ouais. Je connaissais pas cette planète. Ah, tu la connaissais pas, la planète Nola ? Et en plus, il porte bien un nom de planète, tu vois, ça pourrait être une planète. C'est ça. Il a repris Renaud avec sa chanson Mistral Gagnant. Donc, on connaît tous, je crois. Même moi, je connais, alors forcément, tout le monde connaît. Alors là, franchement, voilà. Donc, on écoute Nola et sa reprise de Renaud. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Les PK Avengers sur Indestar, évidemment. Donc là, on est en train de faire une spéciale Star Wars depuis le début, parce qu'évidemment, vous avez suivi, et même si vous n'avez pas suivi, vous le savez maintenant. Il nous reste encore une rubrique à faire, à parler, avant de commencer le GDR, et cette rubrique, c'est Kevin qui va nous en parler. De quoi vas-tu nous parler, Kevin ? Moi, je vais parler de ce qui s'appelle, bon, maintenant, qui est légende, donc plus canon, et qui avant n'y était pas non plus, de l'Ancienne République. Donc, d'accord. Ce qu'il y a eu avant les films. D'accord, ok. Ah ouais, ça y est, j'ai suivi. C'est bon. Ouais, je suis en train de me revoir les photos. C'est pas faux. D'accord. C'est pas faux, effectivement. Alors, t'as pas tort. C'est ça. J'ai pas tort. Donc, mais... je vais commencer d'abord par expliquer un petit truc, c'est que j'ai des dates. Donc, pour expliquer d'où viennent les dates, en fait. D'accord. Donc, les dates, ça se passe en moins avant Battle of Yavin, donc avant la bataille de Yavin qu'on a dans l'épisode 4. D'accord. Qui est l'équivalent de l'an 0 dans Star Wars. D'accord. L'an 0, c'est la grosse bataille qu'on voit dans les films. Voilà. Okay. Dans Yavin. Ok. Donc, la première date que j'ai, c'est moins 3960, donc avant la bataille de Yavin. Et ça remonte loin. Et c'est là, c'est un chevalier de Jedi dont son nom est revenu par l'épisode 9 qui s'appelle Revan. C'est pas le premier Jedi. Non, c'est pas le premier. Il en est même très loin. Il est considéré comme le Jedi le plus fort, mais très loin d'être le premier. Ah ouais, le plus fort ? Ouais. Ah, d'accord. Tu l'appelles comment ? Revan. Revan, ok. Comme les Ray-Ban, mais avec un V. C'est ma mode secrète. Et donc, ce Jedi-là, il a participé aux guerres mandaloriennes. Ouais. Mandalore. Et donc, après plusieurs batailles, il a fini par gagner. Sauf que, il a été poussé, entre guillemets, par Mandalore à aller s'aventurer dans des régions. Puis, évidemment, soif de pouvoir pour les Jedi, attire au côté obscur. Et ce qui fait qu'à cette date-là, il est passé au côté obscur. Ah, c'est devenu un Sith, voilà. Jack. Ah oui, il est mauvais. Après, coup, passé, 3 ans plus tard, chose un peu particulière qui s'est passée, il trahit l'empereur Sith, également en faisant un Et il coup. Le tue. Non, il le tue pas. Ah bon. Justement. Ça, c'est étonnant. Oui, pour un Sith, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai, parce que généralement, les élèves, enfin, je veux pas dire, hein, mais j'ai lu pas mal de trucs, ils tuent toujours leur maître. Là, c'est pas la règle des deux, en fait. D'accord. Et donc, il a fait son empire. Ouais. Et donc, résultat, il y a une bataille qui est faite, et au cours de la bataille, il est trahi par son apprenti. Ce qui fait qu'après, c'est à la fin. Ce qui arrive souvent. Voilà, étonnant. Chose qui arrive souvent. Ce qui fait qu'à la fin, il repasse plus ou moins du côté Jedi. Donc, du côté lumineux. Oh. Donc, c'est un Jedi qui fait côté Jedi, côté obscur, Jedi. Du coup, il a un sabre violet. Il a un sabre. Bah, il est représenté avec il a un sabre violet. Ouais. Et si je me souviens bien, c'est rouge ou bleu. En fonction de son camp. Ah, ok. Violet. Mais normalement, il devrait avoir un truc violet si on suit Il a le sabre violet. Ouais, d'accord. Et en gros, il a la même forme de combat que Ahsoka. Donc avec deux sabres laser. Ah. Oh. Je vais arrêter avec les boutages. Mais oui, d'accord. Oui, parce que ce site-là, vu qu'à l'époque, il est encore site, subit un lavage de cerveau du côté Jedi, qui est logiquement interdit. Qui ne doivent pas toucher et donc ils repassent Jedi à cause de ça. En même temps, c'était un méchant. Hein. C'est un résumé très. Résumé. Oui, je comprends. Effectivement, mais il a eu le temps de développer une planète, je crois, à moins que je confonds avec un autre. Exactement, il a été à la recherche de la Forge Stellaire. D'accord. Qui était mise par les Rakata, qui était l'espèce méchante qui a dominé et qui a notamment détruit Tatooine. D'accord. Ah, je confonds effectivement avec un autre. C'est eux qui n'ont pas été très très sympas. Les enfoirés. Voilà, c'est hors d'autres mots. Et donc, après, ça nous amène 4 ans plus tard. Donc, toujours le même empereur qui est toujours en guerre contre la République, ouais. Qui envoie donc ses troupes, Dark Angral et Dark Malgus, sur Coruscant. Il y avait beaucoup de sites à l'époque. Oui. J'étais pas si peu nombreux. C'était un empire total. Mais pas un empire au sens où Palpatine l'a fait, mais un empire avec plein de sites. Ah ouais, c'était compliqué à se battre hein, là-dessus. Bah, de base, oui, c'était parce compliqué, que... mais une fois qu'on se penche, c'est pas si compliqué que ça en fait. Faut avoir le temps de se mettre dedans. Ah non, c'est pas ça que je veux dire, mais en gros, là, le combat qu'on voit, nous, dans la saga, il y a un seul site. Oui, c'est le dernier ça, site. C'est la règle des deux en fait. C'est le dernier, c'est Darkhold, non? Non, dans l'épisode c'est 1. C'est Sidious? Le dernier maître site qu'on a, c'est Dark Sidious. Ah, ok. Mais autrement, lui, il a eu 3 apprentis. Oui. Dark Maul, Dark Tyrannus et Dark Vador. D'accord. Mais du coup, à l'époque, ils étaient beaucoup plus nombreux que oui. Ça. Et... à l'époque, c'était un vrai empire où il y avait plusieurs centaines de sites derrière l'empereur. Et on sait c'est violent, ils, ça ils se sont fait décimer ou... On sait ouais. Pourquoi ils se sont fait décimer aussi. Ah. C'est à l'époque... Le corona. Non. <T'es con. rire> Ça aurait pu être une idée. Bah, j'ai vu qu'il y a eu des peuples comme ça qui ont été rasés à cause de maladies oui. Inventées, et évidemment. Mais... les Rakata, notamment, c'est le cas. Bah voilà. C'est peut-être eux que j'avais vus, justement. Voilà, c'est eux qui ont aspiré le corona pour venir après. Voilà. Et donc, en 3953, il y a l'assaut qui est donné sur Coruscant pour obliger la République à faire un traité de paix, mais plutôt désavantageux pour eux. Et Dark Malgus réussit à détruire le temple de Jedi. Mais également le temple plus Coruscant. Ah l'enfoiré. Putain, il était oh, d'accord. Qui fait que ce qu'on voit dans l'épisode 3. C'est une fausse Coruscant ? Bah non, c'est une vraie Coruscant. Mais ça a déjà été vu en fait. Ah, d'accord. C'est pour okay. Ça que celui-là, je voulais en parler. Ce qui fait que la confiance que les sénateurs n'ont pas dans l'épisode 1, 2, 3, moi je trouve que ça vient de cet endroit-là en fait. Pour ça. Bah, c'est possible, que les Jedi ouais. N'ont pas été capables de protéger Coruscant comme ils auraient dû faire au début. Oui, puis c'est un ordre militaire un petit peu, même s'ils sont voilà. Pas vraiment militaires. Logiquement, voilà. Les Jedi n'ont rien à voir avec le Sénat, mais au fur et à mesure des années, ils ont été rapprochés au Sénat. Ah, ils prennent un peu le pouvoir. Hein, c'est... voilà. Profite d'avoir une belle grosse sabre. Mais voilà, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ce qui fait qu'après cette bataille, les Jedi ont choisi de partir de Coruscant. Donc ça c'est en moins 3951 pour aller sur leur planète natale Titon qui a été entendu parler. C'est avec un Y Y et c'est tout, je sais plus la suite. C'était quelque chose, ça je saurais pas les plaies. Moi non plus, vu leur nom ouais, donc, c'est compliqué les noms, voilà leur nom, enfin tous les noms sont compliqués. Ils ont trouvé cette planète là, donc c'est là où c'est un temple Jedi a été rebâti, où justement une vieille ennemie de Dark Malgus est devenue maître Jedi et également le grand maître Jedi le plus jeune de l'histoire avec Satil Shan qui est une descendante de Revan. Du coup t'as son âge ou pas? Non, j'ai pas son âge. Ah dommage. Seulement 500 ans. Parce que Yoda, je crois qu'il avait 800 et des bananes. Yoda je sais qu'elle est devenue 900 ouais bah, quand il est mort. 18 ans je crois, si je me rappelle bien. 18 ans. Donc le plus jeune qu'on ait eu. Anakin aussi, il était jeune un peu. Ou il était pas maître, Anakin. Anakin, c'était pas grand maître. Ouais. Et Anakin, c'est un cas à part. Ouais. Il était pas totalement au conseil. Voilà, quand on a des connaissances, forcément, ça aide. Ouais. D'accord. Mais, Donc, il y a eu plein d'autres guerres qui sont pas forcément hyper importantes. Oui. Et là où je vais en revenir, c'est par rapport à Dark Bane, qui a amené la règle des deux telle qu'on la connaît. Donc, un maître et un apprenti. Sans d'accord. Plus ni moins. Donc il a détruit l'ancien empire qui était là pour mettre en place son ordre. D'accord, et c'est que du côté des Sith qu'il y a ça. Voilà. Du côté des Jedi, il peut avoir d'autres apprentis, ça pose pas de problème. Bah, Jedi, c'est le même système que dans les films. En fait, t'as plusieurs apprentis, mais à partir du moment où t'as un maître qui prend un padawan, bah, il n'en a qu'un. D'accord, ok. Ouais. Donc toujours un par un, c'est vrai que pour apprendre, c'est mieux. Bah. Et c'est toujours sympa de se balader à deux. Mais... et donc, comme l'ordre Sith dit, bah, l'apprenti doit tuer son maître pour prendre la place du maître. Ah bah merde. C'est ma botte secrète. Même si, logiquement, c'est pas autorisé le meurtre entre sites. LOL. C'est pas autorisé, mais c'est le faut des sites qui s'imposent ce genre de loi, non oui. Mais, non mais LOL. T'as pas le droit de tuer. Oh bah, ouais, t'es juste le grand méchant de l'histoire, mais... Ouais, c'est chelou. Oui, voilà. Mais en fait, ils ont un code aussi à côté. Ils non mais entre eux. Voilà. Ouais, entre eux, ouais. Ouais, entre eux. Avec les autres, par contre. Ils ont un code de loyauté entre eux, selon. Non, c'est, ils ont... Bah, comme le code Jedi, en fait, qu'on connaît. Ils ont des règles à suivre aussi, et... ne pas tuer son maître en fait partie. C'est le meurtre est interdit logiquement. Ouais. Ce fait qu'à chaque fois qu'ils voulaient tuer, bah, ils se cachaient ou ils faisaient ça discrètement. Mais en fait, c'est ça leur règle. C'est en fait, ils t'interdisent de tuer pour les transgresser. Ils voilà. s'habituent à transgresser les règles dès le début. Dès le début. Voilà, comme ça, tu passes encore plus du côté Oscar. Ouais, bah, va savoir. Donc après, bah, savoir. Forcément, la lignée de Bane a atterri jusqu'à bah, Dark Sidious, qui a pris Dark Maul et les deux autres qu'on connaît. Dark Maul, c'est pas un humain. Je sais pas ce que c'est comme. Bah, il, Zabrak. Il a des corps. Zabrak, il est chelou. Hein. Je me suis pas posé la question sur cette créature. Il est de Tatooine maintenant, même si avant c'était d'une autre planète. D'accord. Ok. Il est l'un des derniers représentants ou il y en a encore de sa race? Actuellement, je crois qu'il y en a encore. Mais d'accord. Je ne suis pas sûr. Il est mort de toute façon. Oui, il se fait tuer. Oui. Bah, oui, oui, oui. Dark Maul est mort dans Rebels. Mais sa race n'est peut-être pas morte. C'est peut-être pas une race de méchants. Non, mais il se fait découper en deux. Oui. Ouais. Dans l'épisode 1, il. C'est ou dans se fait pousser dans le puits, je crois. Si, il se fait découper en deux. Sinon, hein. Il a raison, dans Charles, l'épisode il se fait découper 1, en il meurt. Deux. Mais dans le cas des films, jusqu'à Solo Story, on le voit à la fin. Ah ouais? Il meurt pas. Il meurt très très tard dans l'histoire de Star Wars. C'est en fait. Il meurt dans Rebels sur Tatooine. Contre Obi-Wan Kenobi. Ah ok. Parce que ta gueule c'est magique. Voilà. Non mais c'est deux gros, histoires parallèles. C'est en gros parce Dark Maul, bah, ouais, il revient, c'est un peu il ça, meurt, ouais. Il revient, il meurt, il revient, il meurt. C'est quasi tout le temps ça Dark. C'est chelou. Putain c'est le Kenny de South Park. machin est incroyable. D'accord, ok. Ah bah c'est cool, ça nous a fait les bonnes infos. Mm-hmm. Demain il y a Vita Conso avec Linda, moi, Jolan et Antoine. Je sais pas le thème de demain, tu veux ton idée? C'est non, c'est pas grave. C'est moi qui Eh ben, écoutez-nous de, ouais. Écoutez-nous de 20h30 à 22h, suivi de Krypton. Après, lundi, peut-être il y aura Starter ça vous plaira, et Actu Solid. Le lundi, le mardi, j'ai vu de la lumière avec Clément et toute sa clique pour faire de l'improvisation théâtrale. Et le jeudi, vous retrouverez évidemment les PK Avengers. Et mercredi, un article qui sort de Indie Comics. Ah oui, évidemment. C'est vrai. Voilà. Très important. Donc bah sur ce, on va se laisser parce qu'il est déjà bien tard. On va faire des gros bisous à tout le monde et merci d'avoir participé à tous. J'espère que ça vous a plu et que on s'est tous bien amusés à mourir. C'était très drôle. Et voilà. Pour le mot de la fin, ce soir, branlette. Voilà. Allez, des bisous. Allez, des bisous. Des bisous. Des bisous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.